Vous écoutez Une fille, un podcast et c'est le tête-à-tête numéro 9. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à la prochaine fois parce que je ne vais pas m'attarder sur l'intro. Je vais vous laisser faire connaissance avec Redscape, celui qu'on retrouve dans Les Abyssales avec Jay. Un podcast que j'ai déjà présenté si vous allez écouter un de mes anciens épisodes de Une fille, un podcast où je suis seule. Je vous mettrai donc le lien dans l'article. Je vous mettrai également tous les liens de tout ce dont on parle après. Pourquoi est-ce que je fais une toute petite intro où je viens pas faire la lèche-cul et tout ça et où cette fois-ci je n'oublierai pas Bertrand, etc. Tout simplement parce que la prochaine fois je vais vous présenter un épisode de Une fille, un podcast toute seule parce que ça faisait super longtemps et que j'ai quelque chose à dire. Donc je vais en profiter. Alors je vous dis à la prochaine fois pour juste vous et moi. Et là je vous laisse en compagnie de Redscape. Bonne écoute! vous écoutez Une fille, un podcast et vous êtes dans le tête-à-tête où j'ai le plaisir d'accueillir Redscape. Salut Redscape. Salut Karine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Redscape, c'est celui qu'on retrouve avec Jay dans Les Abyssales. Ouais, c'est ça. Voilà. Et comme tu m'appelles Karine, je vais t'appeler Ghislain. Ce sera plus simple. Ça va être plus simple, ouais. C'est plus sympa. Alors, je suis très contente en fait de t'avoir avec moi pour... enregistré là ce soir parce que ben c'est votre émission, je l'écoute depuis un moment et j'aime bien. C'est gentil. c'est déjà la partie c'est la partie lèche-cul, c'est ça. Ben en général je la fais toute seule à part, mais bon. Non, c'est gentil, merci. Non, ben, puisque je le pense, je le dis. Donc Les Abyssales en fait c'est une émission musicale et de musique surtout électro. Et vous retrouvez donc les deux personnes que j'ai citées juste avant, donc Redscape et Jay. Et il y a, allez, je vais dire 90% de musique, 10% de blabla. Ça a eu tendance à évoluer. Ouais, ouais, effectivement. Mais, non, mais je dis du blabla, c'est pas vrai. Vous expliquez, vous présentez très bien les musiques, vous savez très bien nous en parler pour nous donner envie de les écouter. Et donc, du coup, c'est cool. Ça, bah, je te remercie. Voilà, ça fait partie des bonnes émissions que je recommande. Bah, je te remercie beaucoup. Mais j'en avais déjà parlé quand j'étais avant toute seule. Tout à fait, ouais. Alors, juste pour une précision, c'était 90-10, voire même 95-5 pour la première émission entre la parole et la musique, parce qu'au tout départ, on écrivait carrément. On était au conducteur, donc on écrivait nos parties. Ce qui faisait la première émission, si tu la réécoutes, ou si les auditeurs la réécoutent, ça fait quelque chose de très mécanique. Et au fur et à mesure du temps, alors aussi par feignantise, par manque de temps, on s'est dit on va plus écrire parce que c'est chiant. Et le seul truc que j'écris aujourd'hui, c'est l'introduction, qui effectivement fait D'accord. un peu robot, un peu radio. Et le reste, libre cours, on note simplement le nom des artistes. Avec éventuellement, si on a envie de parler de l'artiste, bah, on se dit on va parler de l'artiste, comme ça voilà, on n'oublie pas, on ouvre 2-3 liens internet et puis bah, on fait notre job comme ça. Et je trouve que c'est plus sympa, ça laisse plus de place à l'improvisation et il y a plus naturel. C'est plus naturel, ouais, c'est bien ça. Sûr. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Alors par contre, moi j'avais beaucoup de mal au début quand tu étais avec Aldevar de faire la différence entre vos deux voix. Ah. Comme en plus vous parliez très peu finalement. Ouais. J'avais toujours un petit peu de mal à savoir qui était qui au départ. Et du coup, au bout d'un moment, au bout d'une ou deux musiques, j'avais perdu. Donc, je savais jamais trop... Qui était qui. Mais on se présentait pas vraiment. Mettre le nom sur la voix. Mettre le nom sur la voix. T'arrives à faire la différence entre les deux personnes. Mais associer un prénom sur une voix, c'était pas évident. Mais c'est pas grave. On se présentait pas. On s'est jamais vraiment présenté. C'est une habitude, en fait. C'est par habitude qu'on finit par se dire « Ah, lui, c'est Redscape et lui, c'est Aldevar. » Sachant que sur les dernières émissions que j'ai fait avec lui, je sépare les deux pistes. C'est-à-dire que j'en mets un du côté gauche et un du côté droite. Ouais. Du coup, ça permet... Bah, alors, c'est une technique qui est utilisée par Radio France. sur une grande partie de leurs antennes, c'est que les micros sont placés de sorte à former une sorte d'image stéréophonique. Donc il y en a un qui est, on sait qu'il est à gauche, et l'autre on sait qu'il est à droite. Ouais. Alors c'est vrai que quand tu vas écouter un podcast chez eux d'interview, bah t'as toujours un petit déséquilibre entre les deux haut-parleurs, et du coup je réutilise cette technique pour voilà bien identifier. Bon, on sait maintenant qui je suis, mais on connaît pas forcément Jay. Voilà, comme ça on sait vraiment qui est qui de chaque côté. Tu vois, Jay me demande même d'être, je crois qu'il veut être à gauche spécifiquement. Donc. Et si tu rigoles tout seul et que tu expliques pas les. Mais il y a le chat qui passe devant l'écran, putain de chat. Voilà, et il y a un moment, hein, puisqu'on a mis la vidéo quand même, je pense qu'il y a un moment, t'as dû voir une grosse bête. Mais oui, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Je suis en train d'expliquer la panse stéréophonique et pendant ce temps-là, il y a un chat qui se balade, tu sais. Je suis désolée. J'ai pas commandé de minou, moi, je comprends pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je l'avais viré, hein, mais voilà. Voilà. Il doit faire bon, il doit faire chaud ici, je ne sais pas. Il y a un truc qui fait que j'attire les... Bon, bref, donc du coup, si j'ai bien compris, tu as la stéréo. Oui. Et dans chaque oreille, bah, il y a la voix de quelqu'un. Voilà, pas tout à fait dans chaque... En gros, pas tout à fait. Je résume avec ce que je peux comprendre. Tout à fait, je suis d'accord. Pas tout à fait dans chaque oreille, parce que ça voudrait dire que tu le sentirais. Sinon, ça serait désagréable, quoi. Ça serait très désagréable. Non, c'est une légère... C'est très, très léger. C'est une vingtaine de pourcents sur chaque voix. En fait, voilà, c'est comme si tu faisais un angle. Comment on fait ça? Bah avec, ça m'intéresse. Bah, si tu veux, avec Reaper, t'as un truc sur ta piste qui te permet en fait de. C'est marqué Pan Center, là, tu vois, je l'ai en face de moi, Pan Center, et puis bah, du coup, bah, je peux basculer ma voix d'un côté ou d'un autre. Ça se fait très simplement comme ça, donc. Non, c'est très. J'aime bien comme t'as l'air. Ouais, ça va, c'est tout facile, il suffit de faire ça. Ah oui, je te dis ça je comme me dis, ça mais parce que. Je n'ai jamais vu cette fonction. Comment ah non, tu l'as peut-être jamais vu, mais du coup, non, je te dis que c'est vraiment très con. Je peux te le montrer et puis tu vas me dire, mais oui, mais je savais pas à quoi ça servait. C'est pour ça que je vais te dire, voilà, c'est très simple, ça va, il n'y a pas. C'est mon métier d'expliquer tout le temps les choses. Donc forcément, du coup, à force, j'ai fini par dire bah, « c'est très simple ça, pouf, t'inquiète pas, c'est rien ». Je regarderai ça, et puis si je trouve pas, je te redemanderai. Oui, tu me redemanderas, il n'y a pas de souci. Moi, la raison pour laquelle je t'ai demandé de venir, tu t'en doutes, hein, c'est comme pour tous les autres tête-à-tête, c'est pour parler de podcast. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Et donc du coup... Bah, on va commencer par le début. J'aimerais bien savoir depuis quand t'écoutes des podcasts, depuis quand t'en fais. Est-ce que t'as commencé par faire ton podcast? Il y a des personnes en fait qui font du podcast et qui en écoutent pas. C'est possible. Ouais, non, c'est possible. Mais... J'en connais certains, ouais. Ouais, et donc du coup, vas-y, je te laisse la parole. J'ai commencé à écouter les podcasts en 2005 avec Europe 1. C'est eux qui ont été, entre guillemets, précurseurs dans le podcast en France, dans le podcast grand public, et comme c'était la radio que j'écoutais à l'époque. En gros, j'ai commencé à podcaster chez eux. Et je podcastais également quelques émissions de Radio France quand elles ont commencé à apparaître également en podcast. C'est d'ailleurs par le podcast que j'ai commencé à écouter France Culture. Hein, tout bête. D'accord, ouais. Parce que bah c'est un truc que j'écoutais pas du tout et j'ai fini par écouter à cause de ça. Pareil. Et voilà. Parce qu'ils ont des émissions avec des formats qui sont absolument hallucinants, qui permettent vraiment de pouvoir écouter ça en podcast, quel que soit le temps, l'heure de la journée. Et je trouvais ça assez exceptionnel. C'est pas des émissions qui sont figées dans le temps, c'est-à-dire on l'a fait par exemple le 11 février et puis on pourra pas le réécouter parce que c'était. Non, c'est vraiment quelque chose qui est intemporel. C'est ça que j'aime beaucoup chez eux. Et j'ai voilà donc Radio France, pas mal d'RMC aussi parce que je suis un grand fan de sport, donc la station qui proposait du sport et qui en propose toujours à la radio, c'est RMC. Donc voilà, j'ai commencé à écouter du podcast comme ça. Et puis mais sans écouter autre chose au final, mais vraiment sans rien d'autre écouter parce que je connaissais pas trop je suis d'un naturel curieux, mais ça me branchait pas plus que ça en fait d'aller écouter des gens qui parlaient dans un micro de façon totalement amateur. Donc j'étais plus, si tu veux, attiré par le côté professionnel, voilà, plutôt que par par les amateurs. Et en 2011, voire même, oui, 2011, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais ce qu'on appelle vulgairement un libriste. Alors, qu'est-ce que c'est un libriste? Ah, voilà. Un gros oh, mot. C'est bien, je t'écoute, moi, tu fais les questions, tu fais les réponses, c'est parfait, vas-y, voilà. Je t'écoute. Alors, un libriste, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le logiciel libre, donc logiciel propriétaire, logiciel libre, logiciel libre, Firefox, VLC, LibreOffice, ce genre de choses-là. Donc, est-ce que ton PC est sur Linux? Celui-là, non, parce que je suis sorti de cette période-là. Donc j'ai toujours des accointances avec Linux puisque j'ai mon propre serveur, j'ai aussi un PC qui est sous Linux, donc j'ai toujours des liens si tu veux, mais de manière beaucoup moins flagrante qu'à l'époque. Et j'étais donc un grand passionné de logiciels libres et j'ai décidé de créer une émission comme ça, sans connaître rien connaître, hein, mais ni à la technique ni quoi que ce soit. Enfin, si je bidouillais déjà du son, je faisais du son avant. J'ai commencé à faire du son vers 2006, un truc comme ça, sur un logiciel tout pourri, mais qui m'a vraiment appris les bases de ce genre de conneries-là dont on parlait tout à l'heure, le fameux pan, là, par exemple, tu vois. Bah, c'est comme ça, en manipulant, que j'ai fini par connaître ce genre de choses-là. Et donc, j'ai passé une annonce sur un site qui s'appelle LinuxFR, qui est un site donc traitant de l'actualité de Linux, hein, ça ne s'invente pas. Et quelqu'un m'a répondu, et c'était Aldevar. Déjà lui, en 2011. D'accord. Donc en fait, on se connaît de bien, bien avant. Donc en 2011, voilà, lui me dit qu'il était intéressé. Et voilà, donc on se rencontre à Rennes et on fixe les débuts d'une émission qui donc s'est appelée En Flux Libre, qui a commencé en 2011 et on a fait une grosse partie de 2012. Donc on a fait au total 12 numéros, dont un numéro où on l'a fait carrément en public à la cantine numérique à Rennes. On a eu du succès, entre guillemets, dans notre petit monde des libristes, hein, parce que bon, faut imaginer que c'est pas non plus un gros village. Enfin voilà, c'est un petit village gaulois, voilà, pour résumer un peu les choses. Donc on parle entre initiés, si tu veux, hein. C'était un podcast où, quand on parlait, c'était pour expliquer la pile graphique de Linux. La pile graphique de Linux, c'est imbitable pour quelqu'un qui déjà ne connaît pas l'informatique. Et encore moins, même pour moi qui connais, qui travaille dedans et tout ça, même moi, ça me parle, mais c'est chiant, quoi, si tu veux. Donc, c'était un podcast vraiment pour les initiés, pour les gens qui aimaient ça. Et donc, ça a duré 12 numéros. Et si tu veux, il y a eu de la lassitude. Et j'ai fini par abandonner, par dire, bah non, j'ai plus envie. J'ai plus envie parce que je venais de trouver un travail, justement, chez un éditeur de logiciels. Qui lui s'en fichait du libre, donc il a fallu, si tu veux, que je me dise, avoir presque un cas de conscience, bah, j'ai envie de bouffer, si tu veux, à la fin du mois, j'ai envie d'avoir une paye, donc le libre, voilà. Et puis déjà à cette époque-là, le libre commençait un peu à me casser les pattes, et, parce que ça devenait, chez moi, ça s'est transformé en intégriste, si tu veux, donc le barbu dans sa grotte, enfin voilà, je te passe les détails, c'était assez effrayant. Et quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait lui aussi, alors qui faisait une distribution Linux et qui lui aussi progressivement abandonnait aussi Linux. Et on s'est mis d'accord pour faire un autre podcast qui s'appelle donc le TechCast. Lui, il a duré 3 numéros, il n'a pas marché du tout, on n'avait pas de pub, rien du tout. On traitait de tout et n'importe quoi sur la tech, l'informatique, les jeux vidéo, enfin, c'était n'importe quoi. Donc ça a duré 3 émissions et on n'a vraiment pas eu le succès. Et à partir de là, j'ai fait une grosse pause, mais vraiment très grosse. Et en 2014, on parlait avec, je sais pas de quoi on parlait avec Aldevar, parce que du coup, bah, on est devenu amis entre guillemets, avec le temps. Et en 2014, on parlait justement d'une émission. On voulait passer de la musique tout simplement. Et je dis ouais, ça serait plutôt cool et tout ça. Donc on a créé une émission comme ça de nouveau. On s'est éloigné complètement de l'informatique. Lui était passionné de musique électronique comme moi, donc du coup, voilà, on s'est mis d'accord pour un moment, les Abyssales, et c'est comme ça que du coup, ça a démarré, et que ça fait 19 numéros, plus 3 numéros du nouveau format, donc l'invité des Abyssales. Et pour terminer, il est parti sur la 16e émission, parce qu'il avait d'autres projets personnels, et c'est vrai que c'est une émission qui peut prendre du temps, parce qu'il faut écouter de la musique. Sinon, on ne peut pas apporter. C'est comme de l'eau au moulin, c'est pas possible. Ah, c'est logique. Hein. C'est logique. Donc, ah ouais, c'est logique. On est obligé d'écouter quand même pas mal de choses. Et donc, du coup, voilà, ça lui prenait un peu trop de temps. Et Mais je pense que voilà, il va refaire une émission cette année. Je pense que c'est prévu qu'on refasse quand même une émission, qu'on se cale une petite émission ensemble. Ça serait plutôt sympathique. Mais voilà, en gros, c'est mon parcours podcastique de manière générale. Et donc, ça va partir, si tu veux, de cette époque en flux libre. Parce que moi, je me méfiais toujours de ces podcasts amateurs. J'en faisais un, mais je m'en méfiais quand même. Va savoir pourquoi. Est-ce que tu veux qu'on creuse par là? pourquoi cette peur? Mais qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? En fait, c'est très. Non, mais complexe c'est... peut-être. Ouais. Non, tu réponds pas. Continue. Non, mais enfin, comment te dire? Déjà à l'époque, si tu réécoutes, alors en flux libre, il est toujours présent sur PodCloud. On peut l'écouter sur PodCloud. Hein. Les émissions sont toujours disponibles. On les avait récupérées, on les avait réuploadées sur PodCloud. Je faisais tout moi-même, donc la musique, toujours pareil, l'habillage sonore. On était un podcast qui parlait, hein, mais il y avait des jingles à presque toutes les rubriques. Hein. C'était d'accord. C'était... Bah oui, mais si ça vous plaît d'en mettre, parce que bon, moi ça me plaisait, oui. Pas Aldevar. Non, mais Aldevar, ça lui plaisait pas, ouais. C'est super long à faire. Ouais, c'est super long à faire. Surtout que je le faisais, je composais moi-même mes sonorités. Mais tu vas voir, si un jour tu jettes une oreille là-dessus, tu vas halluciner. Tu vas dire, non, c'est pas possible, ça peut pas être fait. Je l'ai marqué, donc. Tu verras. j'ai un petit. Tu verras. J'ai un stylo en main. Et du coup, j'ai noté. Je note au fur et à mesure. Oui, je vois que t'avais ton stylo qui est passé d'une main à l'autre. Donc. Pour terminer sur en flux libre, on avait beaucoup de problèmes techniques parce qu'on enregistrait sur Linux. Il faut savoir que l'audio sous Linux, c'est pas tout à fait la même chose que l'audio sous Windows. C'est déjà compliqué parfois sous Windows, mais ça l'est encore plus sous Linux, d'autant plus que les cartes son ne sont pas forcément très bien supportées par Linux. Et ça a été une catastrophe. Parfois, on a même dû recommencer 3 fois l'émission pour arriver à enregistrer, donc il faut vraiment s'accrocher. Oh non! C'est la merde et tu commences à. Je crois que ça part à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à perdre le truc. Recommencer 3 fois la même chose, c'est pas intéressant. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai senti que ça m'avait abandonné. Mais je regrette pas, hein, voilà, ça fait une bonne expérience. Et puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écouter un peu ce qui se faisait ailleurs. Mais de manière très. De manière très épisodique, parce que j'étais toujours resté sur les émissions de radio. Et en fait, c'est vraiment en 2014, à Podren 2014, ouais, c'est ça, que j'ai commencé, en fait, j'ai vu déjà les gens IRL, et je leur ai demandé, mais tu fais quoi, toi, comme podcast, tu fais quoi, comme podcast, tu fais quoi, mais tu savais pas, en plus, enfin, comment tu te retrouves à Podren si t'écoutes pas de podcast C'est Aldevar. C'est lui qui t'a entraîné. C'est lui qui m'a entraîné en me disant, tu vas voir, c'est super cool. Moi, me considérant plus comme une émission, déjà on faisait les abyssales à l'époque, mais me considérant plus comme étant une émission de musique et non pas comme un podcast musical comme aujourd'hui je le considère, mais j'ai eu du mal à rentrer j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans un moule. J'avais l'impression qu'il allait me faire rentrer dans un moule et qu'on allait plus ou moins je sais pas pourquoi en fait cette peur, j'en sais rien du tout. Et quand je suis ressorti de Podren, je me suis dit, mais quel con en fait, mais t'étais vraiment un gros con parfois. Et parce que en fait j'ai découvert des gens comme moi qui faisaient aussi du podcast. C'était très drôle. Il y avait des gens super sympas. C'est là-bas que j'avais rencontré l'équipe de Lifestyle, où j'étais d'ailleurs sur le cul qu'il pouvait exister un podcast sur Windows Phone. Hein. J'ai dit vous êtes fous les mecs. Et puis j'ai rencontré des podcasts et des podcasteurs qui étaient c'était des gens comme moi qui se prenaient pas la tête, qui faisaient leur petite passion devant le micro et puis terminé quoi. Et c'est comme ça que ça a vraiment vraiment débuté. Alors je pourrais pas revenir c'est marrant, en arrière. Mais ouais. C'est marrant en fait. C'est marrant parce que moi, dans mon idée, c'est l'inverse, quoi. Enfin, c'est écouter qui fait que tu finis par en faire. Oui, ben non, pas moi. Déjà ça, mais en plus, je me dis, si t'écoutes pas de podcast, mais qu'est-ce que t'irais foutre à Podren, quoi. Bonjour les gens de chez Podren qui font des trucs super bien, je suis désolée, c'est ce que je pense. J'écoutais quelques podcasts, alors pour être vraiment tout à fait franc quand même avec toi, j'écoutais quelques podcasts. Ah, on va enfin savoir. Mais pas... mais je te jure, pas grand-chose, hein. C'était vraiment réduit. Le rendez-vous tech de Patrick Béja, celui-là, à mon avis, tu as dû souvent entendre de parler. Il est souvent cité, oui. Voilà. putain, mais je crois que j'ai même que lui en fait à te citer. Je me souviens même pas de ce que j'écoutais. Non, c'était vraiment que les émissions de radio, quoi. C'était que les émissions de radio, du coup, non, c'était en plus, c'était même pas mon activité principale et j'y allais même pas par curiosité ni quoi que ce soit. C'était, ouais, manque de curiosité de ma part. Et du coup, oui, c'est Podren 2014 qui a été un vrai déclencheur. Et je me suis retrouvé le lendemain avec plein de flux RSS dans mon podcast. C'était Podcast Addict. Excellent. Et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai loupé, quoi. Du coup, j'ai fait des grosses séances de rattrapage sur Ah 3-4 ouais. émissions qui m'intéressaient. Et au fur et à mesure, je me suis forcé. En fait, c'est ça. Je dois me forcer, en fait, pour écouter les C'est choses. genre je me suis fait violence, quoi. Ouais, je me suis fait violence. Non, mais je te jure, je me suis fait violence parce que j'ai du mal à. Autant pour la musique, écouter des nouvelles choses ne me fait pas peur, mais pour les podcasts, j'ai peut-être un peu peur du résultat à la fin. Et du coup, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à aller Ah ouais. découvrir des choses. Aujourd'hui, ça n'est plus le Bon. cas. Mais je rencontre parfois une certaine résistance en me disant, ah, j'écoute, j'écoute pas, j'ai envie d'écouter. Et puis, j'ai peur, en fait, peut-être d'être déçu, du coup. Ouais, d'être déçu. Voilà. Alors, le tien. Tiens, pour parler de ton podcast, ça a été tout con, mais j'ai vu, Oui. tu vas te dire, mais putain, mais il est con ce mec. J'ai vu ton oreille. Enfin, je sais pas si c'est ton oreille d'ailleurs. J'en sais rien du tout si c'est ton oreille ou pas. Allez, vas-y. J'ai vu ton oreille et j'ai vu la. Tu vas dire, c'est con. L'image n'était pas pixelisée, elle était belle, elle était belle. En fait, elle était pas pixelisée, elle était. Tu la voyais en C'est une grande. photo, quoi. Ouais, mais C'est ouais, mais vraiment. elle était jolie. Ah, je me dis, tiens, j'ai envie d'écouter. Et puis j'ai vu, bah, je l'ai expliqué dans L'invité des Abyssales 3, bah, une fille, un podcast. Une fille, un podcast. Je me dis, putain, mais c'est con. Une fille, un podcast. Oh, j'ai dit, vas-y, j'écoute, je vais bien voir. Et puis t'étais rendu à l'émission où tu nous avais cité. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais écouter. Hein, de toute façon, on peut. Voilà. Et puis bah voilà, c'est comme ça que je finis par écouter et accrocher. Et du coup, pof, c'était parti dans mon lecteur de podcast. Donc tu vois, ça, c'est D'accord, oui, très c'est vrai. con. Je me... Moi, j'ai cru, enfin, moi, j'ai cru que tu étais tombée sur mon podcast parce que je vous avais cité, parce que j'avais dit, en général, quand je parle d'un podcast, j'envoie un petit mail ou un tweet pour dire, Oui, bah, oui, je t'as passe un parlé. extrait de vous. Enfin, ouais, j'essaye, mais c'est Non. très intimidant. Des fois, j'ose pas. Je me dis toujours, ils vont trouver que c'est que je suis con ou que c'est de la merde ou j'ai fait vraiment quelque chose de mauvais. Et du coup, je suis en train de. Enfin, bon. Je suis toujours très, très intimidée de faire Intimidé, ça, ouais. mais bon, ouais. C'est comme ça. Je suis intimidée des fois par des trucs cons, mais voilà. Non, non, non, Et c'est. moi, je suis très sensible à l'image Ouais, bah oui. qui va être. C'est Ah ça. oui, bah oui. Bah oui, pourquoi? Tu dis bah oui. Non, mais pour aller dans mon sens Ah. à moi. Non, Ah oui, d'accord. je le suis comme toi. Ouais. Si l'image est pixelisée, je vais pas écouter. C'est presque. Ou s'il y a des Ah, c'est couleurs pas qui. forcément ça, mais. Il faut que soit ça se dénote un petit peu, soit ça se. Il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Et puis voilà. Puis vous, c'était joli. Oui. Oh, le premier Voilà. logo, oh, le premier logo était moyen quand même. Hein. Ah, bah écoute, ça m'a. Le Ouais. premier, je l'ai pas fait. Et quand j'ai voulu refaire le truc, quand Jay est arrivé dans l'émission, je me suis dit, bon, bah, je refais tout. Et D'accord. je suis passé par différentes phases où j'ai expérimenté des trucs complètement nazes. D'ailleurs, je me souviens très bien, j'avais fait un. Je suis parti d'une feuille blanche et je voulais faire, tu sais, un truc minimaliste, très. Une croûte? Oui. Très drôle. Non, mais je voulais faire. Est-ce que les gens comprendront cette blague en fait? Je ne Je sais suis pas pas. sûre. Est-ce qu'on fait une référence ou. Bon, allez Bon. écouter Bah le même pas, j'ai dernier. coupé. Bah non, j'ai coupé, donc ils comprendront même pas la référence de la croûte. Ah merde. Ah, c'est con, bah, je ferai un Parce qu'en best-of. fait. Non. Parce qu'en fait, dans le. Comment ça s'appelle? Les invités des Non, Abyssales, où l'invité, j'ai. l'invité des abyssales. L'invité des Abyssales, pardon, je mets des S pour rien. J'ai participé. Merci. J'ai vraiment bien apprécié cette conversation. De Et il y rien. a un moment où on vient parler de. D'art plastique. D'art plastique et. Voilà, et Et tu de nous croûte. expliques. tu nous Et je vous expliques explique que donc. je vois pas la différence entre. Alors que je Entre un venais de tableau dire. abstrait et une croûte. Alors que je venais de dire 5 minutes avant que. Non, mais c'était bien, c'était parfait. Donc, tu as fait une croûte, tu l'as jetée et tu t'es dit, tiens, celui-là, il est bien et je garde celui-là. Non, c'est passé par encore plus de phases que ça. Non, c'est passé par trois phases. Il y a une phase où j'ai fait une page blanche avec des traits avec qui symbolisait un A. Ça faisait les abyssales, voilà. Et j'ai mis ça. Crayon ? Non, dans un logiciel avec des traits gris. Et j'ai plaqué ça sur Twitter. J'ai dit, ouais, ça, c'est la nouvelle identité des abyssales. Et j'ai montré ça à ma femme. Elle me dit, putain, mais c'est moche ton truc là. Mais vas-y, tu le changes. C'est bien d'avoir Non, mais c'est très, très important d'avoir un avis extérieur, ouais. Ouais, et puis un avis cash. Ouais. C'était cash. Et je suis très nul en fait en graphisme de manière générale. Du coup, j'ai été chercher un peu n'importe où. Et puis, je suis tombé sur une méduse une fois. Et je me suis dit, mais putain, une méduse abyssale. Mais oui. Et c'est là, la méduse est devenue en fait l'emblème de l'émission. Et au final, je me suis dit, c'est con qu'on ne l'a pas trouvé avant, cette méduse quand même. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Mais je suis très nul en graphisme, en art plastique, en tout ça. Non, mais c'est très compliqué de trouver un logo, je trouve. Le bleu, c'est bien parce que bleu, c'est calme. Ça invite au calme. Voilà. Donc ça vous correspond bien. Alors qu'on s'en fout, ce qui est intéressant, c'est le contenu. Oui, c'est le contenu, mais c'est la première chose. Tu t'écoutes pas si tu veux en disant non. C'est la première chose, c'est justement que tu vois ce truc-là. Et tu vois, là, je re-regardais. Re-regardes. Ah, toi aussi, tu mets des re devant les mots. Oui, oui. Ah, je me sens moins seule. Voilà, oui, j'en mets beaucoup. Moi, je mets des re devant beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai qu'il y a des images qui ressortent et du coup, tu as plus envie d'être attiré par ça ou ça. C'est ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Après, peut-être qu'on peut changer aussi. Enfin, non, moi, une fille en podcast, ça restera comme ça. C'est bon, c'est fait. Mais c'est très joli. J'ai pas trop de temps pour ça. Je préfère passer du temps sur autre chose. Sur autre chose. Par contre, l'autre 1%, il se peut que ça change. Quoi. C'est original. Ça, c'est vraiment pas. C'est pas déterminé, quoi. Enfin bref. Donc du coup, les gens que tu as rencontrés à Rennes, ils t'ont donné envie d'en écouter. Oui, tout à fait. Oui, ils m'ont donné envie d'enrichir un peu la base. Alors le Lifestyle, ça a été un des premiers podcasts que j'ai écouté. J'étais sous Android en plus à l'époque, donc autant dire que je suis toujours dans une logique d'aller découvrir autre chose malgré le fait que j'ai un peu peur de découvrir d'autres podcasts, donc je sais pas. Et donc du coup j'avais discuté avec Erslo, très très bon contact, et comment il est gentil, hein. Il est très super sympa. Alors on en profite, bonjour Erslo. Oui, et bonjour, salut Erslo. À toute l'équipe Lifestyle. Ouais, et j'avais rencontré son comparse David Bico, je crois que c'est Bico, je sais plus. Obico. Non, David Bico qui s'appelle, je crois que c'est comme ça, ou Bico, je sais pas, enfin bref, un gars qui est assez mastoc. Enfin, je sais pas, moi j'ai jamais trop vu les gens, en fait, j'ai bien accroché à ces gars, donc du coup j'ai écouté le podcast et bon, j'ai abandonné quand même à quelques épisodes d'après, j'ai abandonné parce que n'ayant pas de Windows Phone, n'ai pas d'acquaintance particulière avec Windows, et je m'y suis remis il y a pas si longtemps, parce que du coup, comme j'ai Windows Phone. Et voilà, forcément, donc du coup maintenant j'écoute, je leur suis fidèle. Et le deuxième podcast que j'ai tout de suite écouté, celui-là me tient particulièrement à cœur parce que déjà c'est des Bretons, donc entre Bretons qu'est-ce qu'on se marre, et ça, c'est le podcast, et je tiens à les citer parce que c'est des mecs, c'est des Bretons déjà, putain, on sait bien vivre chez nous, donc forcément chauvinisme. Ah oui, mais complètement. Impressionnant, quoi. Alors le podcast. Allez, il y a qui dans le podcast ? Il y a Lance Patate qui était donc du coup à Podrenne, que je salue d'ailleurs. Il y a le commandant, il y a le baron. Enfin, c'est des personnages en fait. Alors c'est des gens qui faisaient de la radio avant, qui ont monté un podcast où en gros ils racontent comment dire tous les malheurs du monde. Du style, ça peut être très crade parfois, voire même très très très dégueulasse, parce qu'il y a des choses, t'as même pas idée. En gros, il y a des rubriques, le mec qui va enculer un animal, pardon pour le gros mot, je suis désolé, je le Non, vois comme ici, on ça. a le droit. On a le droit, ok. Ou la nana qui a coupé le zizi du monsieur, ou ce genre de choses-là, mais c'est raconté d'une manière, mais c'est impossible. Enfin, ça peut être des débilités comme le mec est tombé d'une falaise, ou. Mais que des conneries comme ça. Bon, il n'y a pas toujours que des morts, si tu veux. Mais en fait, c'est tous les. Excellent. C'est tout. Il y a des gens qui meurent. Non, mais Il n'y a pas que des morts, hein, quand même, en fait, rassure-toi. ce qui. Non, Non, mais. et vous payez une tranche de rire Ah sur des ouais. gens qui Ah, meurent. mais sur les gens. Mais non, sur les gens qui ont des. En fait. Mais qui ont des morts insolites. Oui, alors soit Donc des c'est morts drôle. insolites ou alors qui. Oh mon Dieu. Ou alors qui. Il faut vraiment que j'aille écouter le podcast. Parce Vas-y, vas-y, vas-y. Si t'as pas peur d'être choqué. Moi, je dis il faut être ouvert d'esprit. Si t'as pas peur d'être choqué, je vais te dire une chose. Ma femme Il n'écoute faut pas. déjà y aller pour me choquer. Ma femme n'écoute pas de podcast, mais le seul podcast qu'elle écoute, c'est le podcast. Va savoir pourquoi. C'est parce qu'on se paye une tranche de rire. C'est du n'importe quoi de A jusqu'à Z. Et en fait, les mecs, tu sens déjà qu'ils ont fait de la radio avant parce que ils sont tous réunis ensemble. En général, ils se réunissent pour faire l'émission. Donc, ils sont IRL dans la même salle. Et Mais si, j'ai déjà dû écouter ça. c'est Si, possible. ça me dit quelque C'est un chose. logo rouge avec un G dedans. C'est assez Oui, identifiable. mais tu vois, je vois c'est quoi et je vois le truc. Mais c'est-à-dire que je n'écoute plus tout ce que je découvre ou tout ce dont on me parle parce que c'est pas possible. C'est pas J'en ai une possible. quantité qui c'est n'importe quoi. Phénoménal. Tu écoutes le podcast sur ton téléphone. Oui, parce que. Alors avant, j'avais beaucoup de trajets à faire, le matin et le soir. Je mettais 45 minutes pour. Il dure combien le podcast? Le podcast, en général, c'est 1 heure. Il dépasse très rarement l'heure. C'est très, très. Tu vas voir, si jamais tu écoutes, tu verras, c'est. C'est très méthodique, il y a des jingles, il y a des. Mais c'est très bien fait, quoi. Tu sens qu'il y a les mecs, ils ont fait de la radio avant, tu le sens, quoi, parce qu'ils sont très méthodiques. Sous l'aspect, tu sais, sous l'aspect déconnade, enfin, tout ce que tu veux, tu vois, la bière, on va l'appeler la boîte à bonheur. Alors, juste précision linguistique, gast, ça veut dire gars en français, hein, c'est son pendant breton. Donc, voilà. C'est marrant, quoi. C'est juste ça. En fait, moi, je branche ça. Maintenant, j'ai plus autant de route qu'avant, mais faut pas que je le mette au bureau, parce que si jamais je me mets à écouter le podcast au bureau, mon collègue en Ouais. face de moi va me dire, mais qu'est-ce que tu fiches à rigoler comme une loutre? Parce que je rigole comme une loutre. Je me dis, c'est pas possible. Il y a vraiment des gros débiles sur Terre. Et c'est le cas. Il y a des gros débiles sur Terre. Tu vois, par exemple, je me rappelle d'une histoire où. Moi, je viens de. Tu viens Je viens de. de me mettre sur le site. Tu vois le truc? Excellent. Alors, Non, je raconte même pas. Vous allez Non. sur le Ouais, site. faut aller sur le site. D'accord. Faut aller sur le site et non, Voilà. c'est juste génial. Ils sont au bout de la Bretagne, les mecs. Ils sont loin, mais. Je suis Ah oui, déjà passée par là. t'as vu la dernière J'en suis photo? sûre parce C'est que vrai oui. qu'elle est drôle. Et je me souviens aussi de la mouette tête de requin. Voilà. Ça, je l'ai déjà vu, donc je sais que c'est que j'ai déjà forcément écouté un bout, je sais pas, je suis déjà passée par là. Ou il y en a un qui m'en a déjà parlé. Ok. Le cri de cochon, c'est d'abord une histoire. D'accord. Oui, oh, c'est bon, je suis sûre d'avoir C'est voilà, déjà. Oui, ok. c'est débile, mais Bonjour, madame. oui, bonjour madame. Ok, c'est bon. Mais je l'entends Alors, jamais. j'ai envie de m'excuser parce que ça veut dire que je suis en train de faire défiler les photos. Ok, donc il y a un, je, pff, voilà, il y a un raton laveur. On va. Ah non, mais c'est des conneries de bout en bout. Et les Par contre, je vais mecs. pas garder ça sous les yeux pendant que je parle parce que Les voilà. mecs qui font ça, par contre, sont très équilibrés. Hein, je tiens à le préciser. Hein. Ouais, mais on peut Mais. quand même bien rire de tout. Ah ouais. Alors, pourquoi est-ce que je suis déjà tombée là-dessus et pourquoi je ne m'en souviens pas? Parce que j'écoute beaucoup de choses, c'est sûr. Donc, Je pense donc que du coup, à cause de toi, je vais être obligée d'aller en réécouter un ou deux, peut-être trois, si j'aime Isole-toi bien avant, tout. isole-toi avant parce que après on risque de te dire mais t'écoutes quoi? Et je mettrai un extrait. Voilà, Ouais. j'incrusterai un extrait là. Ok. Ok, ça marche. Et j'ai envie de m'excuser parce que je me dis merde, ça veut dire que je les ai écoutés et que je m'en souviens plus. Et mais non, il n'y a pas de. Je m'excuse, les gens du podcast, si j'ai parlé déjà de vous et que je m'en souviens plus. Pas de souci. Je transmettrai le message à Lance Patate, en fait, qui est la personne que je. Mais je sais, en plus, je vois Lance Patate sur Twitter. Ben voilà, oui, exactement. Mais ouais. Oui. Et je l'ai rencontré donc physiquement. Non, il y en a trop. J'arrive plus à tout mémoriser. Ouais, c'est normal. C'est logique. Donc voilà, ça c'est mon gros coup de cœur. Ça fait bon, j'essaierai de trouver un extrait bien crade. Un truc qui me plaît bien. J'ai pas envie de te dire bon courage parce qu'en fait tout est ou presque est plus ou moins du même acabit. Alors évidemment, il y a des petites histoires gentilles, mais il y a des choses. Ouais, il y a des choses, tu te dis, mais on est. C'est pas humainement, c'est pas possible. Ouais, humainement, c'est pas possible. On est vraiment des. On a vraiment des semblables. On a les semblables qu'on mérite, c'est pas possible autrement. Donc, non, c'est. Ils sortent en général et dès qu'ils sortent, boum, moi c'est déjà téléchargé et je l'écoute c'est dans la journée. C'est quoi comme fréquence mai, avril, mai, juin. Ah oui, d'accord, c'est très variable. Un tous les mois, mais pas forcément. Pas forcément, non. Non, là, ils n'en ont pas fait un depuis, depuis décembre dernier. Donc, décembre. Ouais, c'est très juillet, variable. Juillet, août, septembre, octobre et décembre. Ouais, c'est très variable et c'est quand. Et il y en a quand même une paire. Hein. Ouais, ouais, il y en a quand même 36, 37, 30. Avril 2013. Il y en a, ouais, ça fait 2 ans qu'ils font. D'accord. Ça va faire 3 ans. Ah, ok. Il y en a 36. Il y en a 36. Et 36, voilà. Ouais. Non, mais vraiment, je vous conseille la photo 36. Et d'un coup, je me demande d'où c'est sorti, d'où c'est tiré. Ça, moi, je dis que c'est chez nous, ça. C'est chez nous, il n'y a que chez nous qu'on puisse faire des... En Bretagne, on sait s'amuser, comme dirait l'autre. Donc, Ok, on voilà. Écoute un extrait. Voilà. Changer le monde. Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer. C'est ça que je dis. Et c'est ça que je dis, hein. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis, c'est plus ça que je dis. Hein. Alors, notre spécialité, toujours d'après moi, serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion. Ce n'est plus la victime qui vous parle, mais l'éducateur, le sociologue. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? La baffe du crapaud n'empêche pas la caravane de passer. Salut les gars, cet épisode, j'ai tiré le signal d'alarme. Alors, Doc, de quoi parle-t-on ? Eh ben, de la même chose que le baron, mais chez les humains. Ah, puis un bizarre admirable aussi. Ah, un sacré bizarre, là. On part en Belgique, du côté d'Anvers. Donc, on a un bizarre de 67 ans qui a été forcé par sa femme à dormir dehors dans une niche. Donc, c'est quand même un couple qui traîne depuis pas mal d'années. Oh, ben, c'est Bubblegumski. Ça aurait pu. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, en plus, il doit se laver à l'eau de pluie, faire ses besoins en forêt. Et aussi, pour s'hydrater, il doit aller boire à l'étang. Il a pas le droit d'aller à la maison. Il bosse dans quoi, le gars ? Mais c'est qui sa femme ? Ah, ben, il bosse pas, il a pas le temps. Il doit survivre. Il surveille la maison ? Oui. Et donc, pour manger, tu vois. Il attaque le facteur. Peut que compter sur de la viande. Du pain moisi. Oui, le facteur, forcément. Il va mordiller le facteur. Et alors, quand il rechigne à la tâche, eh ben, il se fait taper dessus par un balai, avec sa femme, évidemment. Faut pas déconner. Hein. Sympa. Il doit se gratter les couilles avec la patte arrière aussi. Ah bah, bien sûr. Ah ouais, il est tatoué, vacciné ou quoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Alors, pourquoi ? Bah, justement, c'est la question que les voisins se sont posées à un moment donné. Parce que... Au bout de 4 ans. Parce qu'ils ont appelé les flics. Ah là, mais il y a votre mari qui est dans la niche, là. C'est de la merde. N'importe quel imbécile dirigerait cette station mieux que vous. Hein ouais. Et allez, moi ça m'arrive en fait d'écouter ce genre de podcast quand je suis en train de me balader ou de faire mes courses. Et je me retiens de rire. Ah ben là non, n'écoute pas en fait quand tu. je suis pliée en deux dans les rayons et du coup je passe un peu pour une cinglée. Faut pas écouter. Ah, c'est pas évident. J'aime bien. Autant des fois, j'aime bien juste être comme ça, puis je fais mes courses, je vois souvent du monde que je connais, je discute. Puis des fois, quand juste tu mets tes oreillettes, ton casque, comment on dit ? Bah, oui. Tes écouteurs. Tes écouteurs, enfin, bref. Oui. Et puis des fois, avec mon écharpe ou les cheveux, tout ça, on voit même pas en fait que je suis en train d'écouter un truc. Et je suis là avec un grand sourire et je me marre et je dois passer tu pour te retiens cinglée. De rire, ouais. Avant, quand j'ai, tout au début, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, j'avais un téléphone classique, un Nokia tout con, quoi, qui faisait comme un lecteur MP3. Ouais. Et automatiquement, quand la prise jack se débranchait, ça passait en haut-parleur. Ah. Office. Oui. Et j'écoutais ça au boulot. Et deux, trois fois, ça m'est arrivé de me coincer le fil dans la clanche de là, porte. Tac. Ou dans la... À chaque fois, c'était quand j'écoutais l'apéro du capitaine. À chaque fois. Donc, t'as un espèce de regard incertain qui se glisse vers toi en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Cette personne est folle. » Et tu te dépêches, tu sais, comme un... Oui, oui, il faut vite que tu rebranches. Non, ça, c'est... C'est le truc un petit peu inavouable que t'es en train d'écouter, quoi. Mais j'ai jamais... Par contre, ça, oui, ça, je vais l'avouer du coup ce soir, je n'ai jamais écouté l'apéro du capitaine. Je l'ai déjà dit, je sais, je crois, dans mon podcast, c'est d'ailleurs. C'est pas grave. Je n'ai jamais écouté. Il faut vraiment un jour que j'écoute, je sais. Je suis impardonnable, mais je crois que ça fait partie des choses... qui font, bah voilà, je découvre pas forcément beaucoup de podcasts et quand je les découvre, mais bah non, je mais les... en plus c'est super long, hein, donc en fait, j'ai envie de te dire, je mets un point d'honneur, c'est très con ce que je vais te dire, mais je mets un point d'honneur à rencontrer les gens, alors à parler aux gens où je vais écouter leur podcast. Et ce qui fait que plus de la moitié de la liste de podcasts que j'écoute actuellement, enfin en tout cas que j'ai un rendez-vous, je ne vais pas dire que je connais les gens, mais je les ai tous, soit je parle avec eux par Twitter, soit même parfois c'est devenu des gens avec qui je travaille, comme avec Jay pour les Abyssales, par rapport au Sondier. Voilà, tu vois, c'est des trucs tout cons, bah, qui font que du coup, ça me permet de me rapprocher du podcast. Et le podcast, bah, voilà, c'est comme ça, c'est que les gens, du coup, je connais principalement Lance Patate, et puis il y a aussi le Baron dans une moindre mesure. Mais si tu veux, voilà, je mets un point d'honneur à essayer de connaître les gens qui sont derrière l'émission. Et... Bah, ça me paraît pas bizarre. Bah... Sinon, je ferais pas des tête à tête. Oui, c'est vrai. Et je ferais pas non plus un podcast où je vais discuter de podcast. Je me doute bien à un moment donné que je vais avoir un contact. C'est pas ce qui est recherché à la base, parce qu'à la base, c'est vraiment de partager ce que j'écoute. Mais en même temps. Je trouve que c'est un média où c'est tellement facile d'avoir un contact avec la personne, ouais, que tu ne retrouves pas dans les autres. Je suis d'accord avec toi. Ou pas de la même façon, peut-être que si, j'en sais rien, mais je veux dire, tu regardes la télé, tu ne vas jamais avoir un contact avec... Bah non, tu peux très bien suivre une chaîne YouTube et avoir un contact avec la personne, mais enfin... C'est pas pour rencontrer la personne forcément, mais du coup tu vas pouvoir laisser peut-être un commentaire, ou peut-être qu'il va laisser quelque chose qui va te permettre d'engager une conversation ou quoi. Et du coup, je trouve que c'est très appréciable. C'est peut-être aussi un côté un peu plus humain, un peu plus humain, un petit peu moins artificiel, qui est qu'Internet génère, oui, ça c'est ouais, sûr. Et du coup, c'est vrai que c'est super, moi je trouve ça super agréable, en fait. Les gens que tu écoutes, ce sont des vrais gens. Tout c'est à un fait. Peu con ce que je dis, mais non, ils mais sont là, c'est vrai, ils sont là pour de vrai, ils sont comme nous, souvent. Et puis ouais, il y a un côté qui met un peu tout le monde au même niveau, en fait. Oui, d'accord, voilà. Donc oui, moi ça m'étonne pas, en fait, que t'aies tout de suite envie de... Enfin, pas forcément... Ouais, je sais pas trop comment dire, envie de les rencontrer, j'en sais rien, mais engager la conversation est quelque chose de logique pour moi. Non, mais... voilà. Et souvent, de toute façon, les podcasteurs impliquent leurs auditeurs dedans. Oui. On est... Même si c'est plus compliqué, parce qu'on... Même si y a une certaine implication... Je pense qu'on est comme tout le monde. J'ai lu ça, je sais plus, je crois, sur un billet cet après-midi de Podchose, donc l'association qui est au-dessus de PodCloud. Et j'ai trouvé ça très juste, c'est qu'on est passif. Donc, récolter un commentaire, c'est déjà hyper bien, ne serait-ce qu'un retweet. Alors, c'est vrai que du coup, moi, cet après-midi, vu le nombre de retweets que j'ai eu lorsque j'ai diffusé l'émission, voilà, j'étais content. Mais comme disait l'article, ne serait-ce que déjà avoir un seul retweet, ça serait déjà, c'est déjà une belle victoire. Donc voilà, et qu'il y ait des gens qui puissent attendre le podcast quand il sort, on se dit ah ouais, on est attendu, assez cool, dis donc. Même que ce soit par une ou deux personnes, on s'en fiche au final. C'est un peu l'ego hein, qui parle. On se dit ouais, génial. Oui. Enfin moi je le vois comme ça. Après c'est. Je sais pas comment exprimer ça. Non, bah, on va trouver les mots, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Ça va aller. Ça va aller. Bien sûr, mais bien sûr que oui, c'est extrêmement flatteur d'avoir un commentaire. Bien sûr que oui, c'est super quand t'as quelqu'un qui attend ton émission, qui retweet, qui partage tout ça. Mais moi je me dis pas je vais faire plaisir à la personne quand je suis en train de retweeter un épisode. Bon, déjà la première chose c'est pour dire je vais l'écouter, ça c'est clair. C'est déjà si bien. Je le retweet c'est que je vais l'écouter. En plus ça me le met dans mon, je sais pas comment ça s'appelle, truc de Twitter machin, où c'est que je peux le retrouver facilement, comme quand tu mets les, un oui, les, favori les likes. Qui est maintenant un putain de petit cœur là, oui, qui voilà. Est vraiment infantilisant. On va pas s'attarder là-dessus. Ouais. On va pas s'attarder. Moi, je me dis pas « Ah, je vais faire plaisir à la personne ». C'est juste, je me dis « Peut-être que les gens qui me suivent, eh ben, s'ils savent pas quoi écouter, comme moi je suis en train d'écouter ça, ben, peut-être que ça les intéresse de savoir qu'il y a ça qui est sorti, tu vois. » Non, mais quelque part, c'est faire quand même plaisir à la personne que tu vas... auquel tu vas adresser tout ton retweeter. En fait, mon métier, c'est retweeter. Et je retweet toute la journée. Toute la journée. Non, mais après, je me dis, oh putain, je suis chiante. Et des fois, je me dis, oh, putain, je suis lourde. Je suis en train d'écouter un podcast et tu sais, je commente tous les 10 minutes. Ah, j'ai fait ça avec les sondiers. Putain, quelle horreur. J'adore faire ça. Surtout quand je connais les personnes. Et alors, j'aime bien. Bah, tu vois quoi. Ouais, mais non, tous les 10 minutes parce que je fais. Oh, ça m'a choqué. Oh ouais, non, ça oui. Ça, oui. Donc, du coup, tu commentes l'émission. Oui. Mais bien après que l'émission soit ait été faite. C'est ça. Ouais, ça m'est arrivé une fois. Ouais. J'aime beaucoup, ça me fait beaucoup rire. Mais je pense quand même que je suis un poil lourde parfois. Mais ça me fait vraiment rire. Mais après, il y a des gens qui savent le prendre. Et puis voilà, après, il suffit de tomber aussi. Ceux qui savent pas le prendre, je le fais plus. Non, sur non. Les bonnes personnes. Mais d'ailleurs, mais tiens. J'aime bien écouter Gamecraft. Pardon. Gamecraft. Ah oui. Techcraft. Oui, j'ai écouté Gamecraft, moi, pendant un moment, mais. Et j'aime bien commenter au fur et à mesure. Même si c'est pas grave. L'émission, elle est finie, mais c'est pas grave. Oui, mais moi, c'est je ça, peux ouais. pas écouter des lives. Tu sais, ça passe en live, on pourrait commenter, mais je peux pas, c'est trop compliqué. Puis c'est quoi ça, 9h le soir? Mais 9h le soir, c'est pas possible. 9h, c'est assez. C'est tôt. Je sais que moi, quand j'ai fini de manger, quand j'ai fini de coucher les enfants, que je me pose devant le PC, si ce n'est pas pour faire autre chose. Ouais, il va être entre 9h et 9h30, quoi. Mais c'est rare que ça soit vraiment du 9h pile, ou alors c'est qu'on a décidé que les enfants et devaient être couchés, quoi. Et j'aime pas trop rater le début, moi. Donc du coup, oui, c'est vrai que là, par exemple, les sondiers, bah tiens. Les sondiers. Non, mais je dis ça, j'ai cité eux pour rigoler, mais il y en a d'autres. Oui, comme oui, ça, où oui. Bien les sondiers, c'est 20h30. Donc non, 20h30, c'est pas possible. Je peux pas être devant mon PC. J'essaie de les écouter en direct, mais. Mais je peux pas. Mais d'ailleurs, tiens, ouais, autre podcast que je cite depuis tout à l'heure, bah, les sondiers, du coup. Les sondiers. Ah, les sondiers. Chercher une connerie de je sais pas quoi, une espèce d'instrument virtuel que je cherchais. Et puis, je suis tombé sur un article comment faire de l'audio de manière pas très chère. Et je me suis dit, c'est un podcast. Ah, c'est drôle. Ah, je vais écouter, tiens. Et, je sais pas pourquoi. Alors, en plus, je sais pas. Oui, il y avait un épisode là-dessus. Voilà, c'était le numéro 3. Qui venait juste de débuter, ou le numéro 1, je sais plus, l'un ou l'autre. Et je me suis dit. Non, c'était au début. Et en fait, mais... ils étaient déjà au 15 ou 16e épisode, ou une connerie comme ça. Et puis là, j'ai vu plein de sujets sur l'audio. Je me dis, oh, c'est génial ce truc. Je fais de ce que je disais au début du podcast, je fais de la zig depuis 2006. Donc forcément, moi, un podcast qui parle de musique, d'audio, de tout ce que tu veux, de technique du son, bah, je suis là, il n'y a pas de problème. Donc je commence à écouter, je me dis, mais c'est quoi ces zozos là? je me suis dit, mais c'est pas possible. Je sais pas, il y en avait un, il s'appelle Knarf. Pff, quoi ce nom? Il y a un autre, il a une voix bizarre. Si on dirait un vieux, il s'appelle Blast. Blast. Je sais pas, moi, c'est Sound Blaster, c'est une carte son, tu sais, des années 90. Je me suis dit, c'est quoi ce podcast? C'est quoi ce délire, quoi? Et il y en a un autre qui a une voix nasillarde. Je me suis dit, c'est quoi? Enfin, bref, tu sais, sur le coup, j'ai rien capté, quoi. Mais c'est quoi ces mecs, quoi? Et en fait, tu rigoles, mais c'est la première impression que j'ai eue sur toute la ligne, quoi. Je me suis dit, putain, mais... Et puis, tu rigoles, mais je te jure, je te jure que, sur le coup, je me suis dit, excuse-moi, Blast, hein. Oh, je sais, excuse-moi, Blast. Et... Ah, puis en plus, c'est quelqu'un qui a pas d'humour, il va pas aimer. Hein. Non, je sais qu'il a pas d'humour. Il va vraiment pas aimer. Non, il a pas du tout d'humour. Tu penses. Il se fait traiter de vieux 3 fois par émission. Tu penses bien qu'il n'a pas d'humour depuis le temps. Mais non, Blast, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux, c'est la sagesse. Au départ, c'est déroutant. Au départ, tu sais, quand tu ne connais pas un podcast, c'est déroutant d'écouter les voix et les interventions de chacun. Et comme c'était de l'audio, je me suis dit, je continue sur ma lancée. Et j'ai rattrapé en une semaine les 30 épisodes. Parce que j'avais une trentaine d'épisodes à rattraper. Je les ai tous rattrapés en une semaine. Et génial, quoi. Et puis, c'est comme ça que j'ai accroché, que j'ai fini, en fait, par... Et donc, oui, le 30e épisode, c'était sur la musique électronique. Forcément. Bah. Oui. Et bah alors, celui-là, j'ai... Il était bien. Oui, il était bien, mais il manquait 2-3 petites choses, quand même. Et j'ai tiqué. Là, j'ai fait comme toi. Toutes les 10 minutes. Putain, mais non, faut pas dire ça. Mais non, c'est pas ça qu'il faut dire. Toutes les 10 minutes. Et j'ai essayé de commenter, et ça servait à rien, puisque l'émission était déjà finie. Et puis, mais non, c'est pas grave, ça sert pas à rien. Bon voilà, c'était pour le fait. Mais j'ai vraiment, c'est comme le podcast, c'est je rate pas une seule sortie. Et maintenant, je les écoute même en live, parce que il y a des gens qui écoutent en même temps et donc qui commentent en live et c'est super intéressant. Et en fait, quand tu commences à connaître le podcast, bah maintenant je connais Jay forcément puisque. Mmh. Et c'est un peu par eux que je suis rentré dans la saga MP3 ensuite, puisque Jay en fait, Knarf en a fait, Blast en fait, Asmod je crois qu'il en fait également, Paul je crois qu'il en fait également, le Mago en fait, enfin presque toute l'équipe fait de la saga MP3. Et en fait c'est même eux qui m'ont carrément remis le pied à l'étrier pour refaire de la musique en fait, parce que au fur et à mesure tu sais ils distillent des conseils, ils disent tiens et ça c'est bien à utiliser machin, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis au fur et à mesure tu dis ouais tiens je vais le tester tout ça, et puis c'est eux, j'avais abandonné le fait de faire de la musique et au fur et à mesure du temps je me suis remis à cause d'eux. Et non c'est super, pour celui qui adore l'audio c'est vraiment génial, quoi. Je regrette pas ce jour où j'ai cliqué sur ce lien et j'ai écouté pour la première fois où j'ai été halluciné. Je me suis dit, c'est quoi ces mecs, quoi? Je me souviens toujours de ma réaction. Je me suis dit, n'importe quoi. Mais je bitais rien du tout. Mais alors, rien. Toi, c'est un peu comme la personne qui connaît rien à l'informatique. Mais putain, mais tu vas dire 3000 mots. Ça me parle. Tu vas dire 3000 mots et tu vas rien biter. Ben là, c'était pareil pour l'audio. Mais je me suis dit, c'est quoi ça? Puis ça faisait tellement longtemps que j'avais pas entendu ces mots-là. Des mots que j'avais déjà entendus, des termes que j'avais déjà entendus. Et puis au fur et à mesure des écoutes, tu te dis, ah lui, c'est Knarf. Ah lui, c'est Blast. Mmh. Ah dis donc. Et puis en fait, quand tu réécoutes. Tu t'habitues au nom. Ouais, alors tu t'habitues au nom. Aux voix. Également. Oui, ben moi, forcément, j'écoute des émissions où je piche que dalle. Mais c'est pas tout à fait ça, en fait. J'ai envie de. Il y a des trucs, j'ai envie de comprendre. Donc du coup je prête l'oreille et puis tu comprends quelques petits trucs et puis la deuxième émission un peu mieux et puis après et au fur et à mesure ça va, mais oui c'est le tout, c'est ça. Mais comme tu t'accroches aux personnages et aux personnes, ouais c'est ça, peut-être plus, et du coup tu sens qu'il y a une ambiance, il y a une affinité entre eux qui font que ça te donne envie de les écouter et puis après tu t'intéresses peut-être plus au lexique, aux mots, je sais pas quoi que t'aurais pas suivi, ou tu vas chercher un peu plus loin. Mais c'est vrai que c'est juste agréable à écouter. Il y a plein de choses finalement qu'on écoute où on n'est pas tous censés piger, quoi. Tout à fait. Enfin, voilà. Non, je suis d'accord. Comment j'ai atterri là-dessus, je suis en train de chercher. Sur les sondiers. Ouais. Par le Netophonics. Le Netophonics, oui, le site, le site vert, oui, le site vert avec tous les, oui, c'est ça, ouais, c'est ça, avec et tous les. Et je suis tombée sur Aurine. Ah oui, bah oui, j'ai oublié Aurine. Oh merde, le con. En plus, c'est un des, c'est le seul des sondiers que j'ai rencontré IRL, donc je suis impardonnable. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. J'ai rencontré Aurine, bah, Podren aussi, en 2015. Bah, là, c'était l'année dernière, c'était en octobre 2015. Et super sympa, le mec. Bien, bien causé de son aussi, donc. Mais du coup, on l'entend plus beaucoup dans les sondiers. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et voilà, du coup, j'étais sur le site de Netophonics. Je ne sais pas pourquoi ni comment je suis. Parce que je cherchais des sagas MP3. Ah, oui, et d'accord. Du coup, je suis tombée sur lui. Et du coup, je suis tombée sur. Sur les sondiers. Sur je ne sais rien. Enfin, en tout cas, j'ai vu. Mais t'écoutes régulièrement, du coup, les sondiers ou. C'est non, mais moi j'écoute pas régulièrement les podcasts en fait. D'accord, ok. J'écoute pas comme ça en fait. Je me dis pas qu'est-ce qui est sorti cette semaine. D'accord, ouais. Je vais écouter ce qui est sorti cette semaine. Non, pas du tout. Non. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais bien écouter aujourd'hui ? Ah, les sondiers, j'en ai 3 de retard. Ok, c'est parti. D'accord, ok. C'est à l'instant, c'est comme ça. C'est... Je me les fais d'affilée quoi. D'accord, ouais. Alors des fois c'est lourd, mais du coup tu vois, bon parce que c'est quand même des émissions qui durent un peu. Non, les sondiers c'est 2h30, 3h, ouais facile. Ouais. Ouais, ouais. Je suis un petit peu plus, je suis du verbe suivre. Oui. D'accord. Oui. Un petit peu plus parce que déjà je suis plus en retard sur les épisodes, parce que quand je suis en retard sur les épisodes je fonctionne pas pareil, je reprends du zéro et je relis tout. Mais là du coup comme je suis à peu près à jour, ben quand j'y pense, je vais écouter. Je me dis, tiens, ce mois-ci, je suis pas allé. Ouais, bon, il doit y en avoir un. Un ou deux, ouais. D'accord. Voilà. Mais il y a certains podcasts que j'aime bien laisser. Je les laisse. Ouais, et puis après, ça, ouais, pendant un ou deux mois. Et après, puis, ouais. Après, je fais 3-4 épisodes d'un coup. J'aime bien. Non, c'est une bonne technique aussi. Ouais. Non, bon, je dis pas que c'est une bonne technique, c'est la mienne. En tout cas. Non, non, mais non, parce que je faisais ça quand j'avais beaucoup de routes à faire le matin, le soir. Donc, parce que quand j'aime bien une émission, quand j'aime bien un épisode, j'en veux un deuxième tout de suite et puis un troisième. Voilà, oui. Alors du coup. C'est sûr qu'il y a là, toujours la frustration à la fin. Ah, c'est déjà fini alors qu'on passait un bon moment. C'est vrai. Sur certains podcasts, dont le podcast d'ailleurs, ça me le fait. Ah, mais tu peux réécouter des vieux à la limite si t'as pas beaucoup de mémoire et que tu te souviens plus des chutes. Ah, oui. Oh. Par contre, ouais, j'évite quand même d'en écouter 3-4 dans une même journée, parce que je l'ai fait une fois et je me suis senti un peu mal à l'aise quand même. Enfin, la journée, je me suis dit, je regardais, tu sais, chaque personne qui me parlait, je la regardais, je me dis, mais et si lui se foutait un balai dans le cul, qu'est-ce que ça donnerait? Tu vois le genre. Ah, tu... ça a perverti ton âme. Ouais, c'est ça. C'est que du coup, ah oui, ben non, alors je peux pas en écouter. Je peux pas en écouter autant que ça, quoi. Mais Ah ouais, non, ça dépend quoi. Non, mais les petits podcasts qui font un quart d'heure, une demi-heure. Ah, le tien était idéal pour ça. Le tien, une fille, un podcast, ça se calait 20 minutes, 25 minutes. Oh, bah, allez, hop, j'ai un petit temps. Et puis. Je pense. Et justement, bah, c'est ça qui m'a légèrement déçu quand t'es passé ensuite sur des formats plus longs. Je me suis dit, ah merde, il n'y a plus mes petites pastilles sonores. Mais pour moi, je les prenais comme ça, pastilles sonores, tu vois. Durait pas très longtemps. Je pense aussi que c'était une bonne taille, mais je suis une grande bavarde. Mais tu sais que c'est très compliqué de tenir 25 minutes quand on est bavard ou bavarde. C'est très compliqué. Donc, du coup. Que 25 minutes, donc du coup. Non, mais quand on est deux comme ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est pas possible. Ouais. C'est possible. D'ailleurs, en parlant de, puisqu'on continue sur les podcasts, j'en ai un qui dure. Alors lui, c'est un fou. Lui, c'est un fou. Alors, je suis fan de sport mécanique, sport automobile. Donc forcément, j'essaye de trouver des podcasts de sport auto. Je vais passer rapidement là-dessus parce que c'est vrai que le sport auto n'est pas non plus une discipline qui intéresse forcément beaucoup de monde. Détrompe-toi, c'est pas forcément, je pense pas. Pourquoi ? Je sais pas, j'en ai pas rencontré beaucoup à part ceux que je vais te citer là. J'ai pas rencontré beaucoup de. Allez, vas-y, je t'écoute. Donc il y en a un qui s'appelle Analyse F1, c'est Julien qui fait ça. Lui, c'est un malade parce qu'il prépare un podcast presque toutes les semaines. Il a 2 ou 3 formats. J'ai participé à un de ses podcasts d'ailleurs. J'ai fait 2 ou 3 émissions avec lui. Où il est tout seul. Ouais, il est tout seul. Il est tout seul. Donc, alors c'est assez particulier à écouter quand les gens sont tout seuls. C'est un format que j'essaye d'éviter maintenant parce que je sais pas, entre toi et lui par exemple, lui qui fait un format aussi court, hein, pareil. Lui, est-ce que c'est parce que la voix n'était pas, j'avais peut-être un peu de mal avec la voix? Et toi, parce que peut-être t'étais une fille, du coup, il y avait la voix, j'avais plus envie d'aller écouter toi plutôt que lui. Toujours est-il que j'avais un peu de mal avec son format tout seul. Mais maintenant, bon, voilà, il fait ses analyses et fin. Je vois pas le rapport avec moi. Bah, toi, en fait, t'étais toute seule quand tu faisais une fille un podcast. Oui. On est d'accord. Ouais. Bon, bah, lui est tout seul aussi. Hein, d'accord. Ouais. Voilà. Mais moi, j'avais plus envie d'aller écouter toi que lui. C'est tout. Alors, dans ce cas, t'écoutais les deux. Oui, mais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que lui, je l'écoutais de manière un peu moins régulière, si tu veux, que toi. Toi, je l'écoutais de manière plus régulière. Bon, voilà. C'est gentil. Je vais refaire, si tu veux, des petits. une fille, un podcast toute seule d'un quart d'heure, juste pour toi, si tu veux. Ah oui, ça serait gentil. Je peux discuter un quart d'heure, mais le problème, en fait, qui se pose, c'est que. Il faut que je parle d'un podcast au moins. Ou alors je peux faire des. Mais je peux parler d'autres choses. Mais. Mais. Voilà. Ceci ça n'a dit, pas de sens. Non, mais ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Mais ceci dit. Je mets ça où? Je mets ça dans quoi? Ah non, je vais pas refaire encore un truc. Mais. Relancer l'idée, tu vois. Une fille, un podcast. Sinon, je fais un podcast. Donc un mélange entre le podcast, une fille, un podcast et moi. Ça va donner un guest, un podcast. Mais par contre, c'est vrai que j'essaye de limiter les têtes-à-têtes à... Si on peut faire une heure et demie, c'est bien. Parce c'est trop lourd. Mmh. C'est pas trop lourd à écouter, hein, c'est pas ça. Mais je me rends compte que moi, quand je cherche un podcast ou quand j'écoute un... Quand j'en sélectionne un, quand je vois le chiffre 2, c'est ça mort. Me freine. Ouais. Ça me freine beaucoup, beaucoup. Il faut vraiment que j'aime pour aller écouter. Donc, il y en a. Oui, bien sûr. Il y en a qui font bien plus que ça et je me régale de voir qu'il y a 5 heures de podcast. Voilà, quoi. Mais c'est vrai que, comme ça, de base, si ça dépasse 2 heures, j'ai une certaine réticence à me mettre dans le truc. Ce qui est normal. Ce qui est normal, alors, parce qu'il faut tenir l'écoute quand même pendant toutes ces heures-là et c'est pas facile, surtout quand tu morcelles en fait. Ça me manque de parler toute seule. Je sais que ça peut être compliqué. Mais si après pourquoi pas l'inspiration. Mais j'aime bien discuter avec les gens. Mais oui, moi je trouve ça fort agréable. C'est pour ça que je fuis ce type de podcast. Alors analyse F1, voilà, je l'ai cité. Bon. Oui. Alors pardon. Alors non, excuse-moi. Oui, j'essaye de. Si, moi je suis super contente. On va parler voiture. Allez. Alors c'est parti, analyse F1 et puis j'ai plein de trucs à dire. Le principal. J'ai parlé de cylindre en ligne, en V, de à plat. Il faut déjà s'intéresser aux bagnoles pour m'avoir cité là les trois trucs que tu viens de me citer. Deux cylindres en ligne, quatre cylindres à plat. Ouais. Ça c'est 20. Ceux en V c'est pour les voitures de sport, mais pas toutes. Et puis j'ai révisé pourtant. Hein. Pas toutes parce que les Porsche ont des flat 6, c'est-à-dire 6 cylindres en ligne. À plat, pas en ligne, à plat, pardon, à plat. Voilà, mais j'ai appris tout ça. Parce que Tu es mariée. Yes. Tu me l'as déjà dit, donc c'était facile. Bonjour à lui, monsieur qui n'écoute pas. Bonjour à monsieur qui n'écoute pas. On s'entendrait très bien, en tout cas. Il y a un deuxième podcast qui s'appelle le SAV de la F1. On n'a pas fini de parler de bagnole, là, si, ça y est déjà. Oh merde, je voulais te raconter plein de trucs. Je te raconte les podcasts de bagnole. Il y a le SAV de la F1 qui est super bien aussi, mais par contre, ils ont une qualité de son à chier. Parce qu'eux passent par TeamSpeak, je crois, un truc comme ça. Non, mais ils le savent. Ils le savent parce que j'ai fait une partie, tu as écouté, tu m'as dit par Twitter que tu avais écouté un épisode de Parlons Sport Auto avec le Dakar, sur le Dakar. Donc, et une partie de cette équipe-là est issue du SAV de la F1. Bah voilà, en fait. Ouais, j'ai pas trouvé le son mauvais sur cet épisode du Dakar. Ouais, t'es perfectionniste. Ouais, voilà, je suis très perfectionniste. Voilà, t'es perfectionniste. Donc, voilà, donc, okay. Mais ça m'empêche pas de Alors les écouter. Alors écoutez pas, stop, je fais une pause pour les gens qui nous écoutent. Écoutez pas ce que dit Redscape, que j'ai oublié déjà son prénom. Ghislain. Écoutez pas ce que dit Ghislain, il est très perfectionniste. Et moi, je ne suis pas à ce point perfectionniste. Et cet épisode sur le Dakar était très bien et, oui, et ça ne m'a pas fait mal aux oreilles. Bon, bah, ça va. Ouais, mais. Et bon, je me suis régalée à l'écouter, vraiment. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais. Oui, toujours en sport auto. Alors, moi, j'ai. Attends, oui, attends, je te coupe. Non, parce que pour une fois que j'écoute un podcast. De voiture, vas-y. Je peux en parler un petit peu. Ouais. Tu me laisses. Moi, j'ai écouté votre podcast sur le Dakar. Oui. Donc, si j'ai bien compris, c'est pas un podcast, c'est un truc extérieur. Enfin, je veux dire, il est rattaché à rien. À un podcast, à rien. En d'accord, fait, c'est moi qui l'héberge. Comme ça, si, une fois. Si tu regardes bien, c'est moi ma page, ma propre page qui l'héberge déjà. Il ouais. est sur mon serveur d'ailleurs. Et c'est peut-être amené à se reproduire une fois de temps en temps. J'ai peut-être prévu de faire une émission sur Le Mans, sur les 24 heures du Mans. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais créé un visuel vraiment très rapide, sans trop rechercher la chose. Alors, j'ai entendu quelqu'un parler du truc du Dakar, mais où et dans quoi? Ah oui, ça y est, je me souviens. Alors, c'est mon tour de parler parce que j'ai des choses à dire, parce que j'ai écouté des trucs quand même cette semaine. Comme ça, tu vois, tu vas pouvoir... Vas-y. Te mettre un petit peu en retrait, fumer tranquillement. Ah, t'as vu que j'avais... Ah, ça me démange, tu peux pas t'imaginer. Puis en plus, c'est... Et puis, c'est pas les petits... Il fait exprès. Ouais. Il fait exprès d'en rajouter. Moi, j'ai écouté le podcast de la personne qui fait « On achève bien les endives ». Et à la fin, il a parlé de cet épisode du Dakar. Voilà. Ah, d'accord. Ah, peut-être. Je crois, hein. Et là, si c'est pas le cas, j'ai l'air con quand même. J'aurais vérifié. Et je me suis dit, tiens, un truc sur le Dakar, ça m'intéresse. Oui, alors ceux qui nous écoutent, ils sont en train de se marrer. Mais oui, ça m'intéresse vraiment. Je suis pas en train de dire des conneries. Et du coup... J'ai trouvé ça intriguant. Je me suis d'abord dit comment est-ce qu'ils vont bien pouvoir parler de ça pendant je sais pas une bonne heure et demie, je crois, un truc comme ça. Ouais, quelle voilà. Émission, ouais. Et puis surtout, est-ce qu'ils vont me citer pendant une heure et demie des noms de gars que je ne connaîtrais pas. Et bah, t'as de la chance cette année, il y a Loeb. T'avais vraiment de la chance du coup cette année. Ouais, qu'il y avait Sébastien Loeb. J'en connais un. Ouhou, j'en connais ben un. Oui, mais. Oui. Oui, mais j'avais une porte pas d'entrée. Envie d'entendre. C'est une porte d'entrée. Mais je l'avais déjà. Enfin. Est-ce qu'on peut dire je le connaissais? Non. Ben oui, mais tu le connais par médias interposés. Tu vois qui c'est, quoi. Tu sais qui oui, joue. Oui, tu... très bien, bien sûr. Il n'est pas gardien de foot. Il n'est pas gardien de but au Bayern de Munich. Hein. Tu sais qu'il est les pilotes de rallye. Donc, a priori, ça devrait aller. Mais bien sûr, je sais voilà. qu'il est champion du monde plusieurs fois. Ouais, 9, pour être exact. Et je vois ses voitures. Et je... Oui, si, souvent, parce que ça fait partie des choses qui sont... Que j'ai l'habitude d'entendre parler autour de moi. Et puis, rappelons quand même qu'il vient de pas loin de chez moi. Donc, les rallyes, on est... Ah oui, oui, tout à fait. Ah ouais, forcément. Agno, pour être exact, en Alsace. Eh oui, l'Alsace-Vosges et tout ça, voilà. Donc, c'est des choses que j'ai l'habitude de voir, de côtoyer, sans forcément m'intéresser exactement à ça. Mais je trouve quand même que... Y a... Voilà. Bon, si je vais voir un rallye, honnêtement... Je pense qu'au bout de une demi-heure, je me fais chier. Quoi. Mais le résumé à la télé, ça me va bien, tu vois. Et du coup, le Dakar, c'est pareil. Et je me suis dit, tiens, s'ils font un podcast sur le Dakar, est-ce qu'ils vont m'en parler aussi mal que les trucs que je vois sur France 2 ou sur... Voilà. Ou est-ce qu'ils vont réussir, comme dans certains podcasts de personnes vraiment passionnées, est-ce qu'ils vont réussir à nous en parler bien? Je savais pas que t'étais dedans. Ah oui, bah oui, c'est la surprise du chef, du coup. Ouais, je m'attendais à retrouver, je sais pas en fait. Et là, t'as entendu Redscape, qu'est-ce qu'il fiche là-dedans lui? Mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Oui, non mais c'était ça. Bah oui, bien sûr, c'était ça, j'ai pensé. Ah oui, d'accord. Vraiment, je savais pas du tout. Et vous étiez intéressant. C'est gentil, encore une fois. Parce que c'est dur d'être intéressant avec le Dakar. Oui, on a parlé de pas mal de sujets. On a fait un long, long débat là sur la sécurité, sur ce qui, sur l'intérêt du Dakar et sur Non, c'était très très intéressant, mais vraiment ben à, oui, à je faire. Confirme. Ouais. Je confirme parce que bon, même si je suis pas passionné de sport auto en général, quelque part. Ouais, bah après ça dépend où tu places le curseur passionné. Non, je suis pas passionné, mais ça me dérange pas d'avoir D'accord. une discussion. Ça me dérange pas d'en entendre une, quoi. C'est pas ah putain les mecs, vous parlez encore de bagnole, c'est bon, je me casse. Non, pas du tout. Je l'assume totalement. Par contre, je suis très très chiante. Je suis extrêmement chiante quand je participe à une conversation comme ça parce que je pose 10 000 questions et tant que j'ai pas compris. Mais alors, faudrait qu'on se fasse un podcast de soit de sport auto ou de bagnole. Non, mais voilà, moi j'ai trouvé que l'angle était intéressant parce que justement il n'était pas fixé juste sur les catégories, sur les résultats et sur qui a fait quel temps et tout. Parce que ça, franchement, déjà je m'en souviens pas. Ouais, voilà, exactement. On s'en fiche. Exactement. Oui, je le dis trivialement, mais c'est ça, c'est, on s'en branle complètement du résultat. On voulait simplement débattre. Et puis je sais pas si t'as remarqué, mais on a presque pas dit grand chose sur l'auto, sur les motos, pardon, et encore moins sur les camions et encore moins sur les quads. Bah après, ça c'est votre. Voilà, c'est, on s'est plus focalisé sur l'auto, c'est notre truc. C'est chacun votre truc, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, c'est des... moi j'aime bien. J'aime bien tout ça, le côté un peu du gars qui va galérer, tu vois. T'as l'impression que c'est vraiment. C'est ça, ouais. C'est vraiment du pilotage. Oui. Le copilote, il n'est pas là pour rien. Ah non. Non. T'as toute la géographie, l'itinéraire où faut pas se louper. Ils ont les pauvres, mais il y en a, ils ont chi le soir, ils rentrent au bivouac, c'est la merde et tout. Bon, à côté, t'as la grosse structure avec plein de thunes, bon, bah, c'est un petit peu injuste. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. C'est le jeu, Karine, tu sais. C'est le Dakar, et depuis sa création, c'est cette confrontation entre les amateurs et les grosses structures de marques automobiles. Oui. Mais c'est pas comme au football, comme avec la Coupe de France, où parfois on a des surprises avec les amateurs qui viennent éliminer des grosses équipes de Ligue 1. C'est que là, les amateurs ne seront jamais premiers du classement parce que forcément. Mais ce qui est intéressant et ce que ne met plus en lumière, et c'est ce qu'on soulignait dans le podcast, ce que ne met plus en lumière France Télévisions à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des amateurs et qu'ils sont toujours là et que c'est grâce à eux si on a toujours un Dakar. Parce que, soyons clairs, sans ces amateurs, sans ces gens qui sont sur des structures privées ou qui engagent beaucoup de sponsors pour essayer de faire le Dakar n'existerait plus parce que ça ne ressemblerait plus à rien du tout. Soyons clairs que dans chaque catégorie du sport automobile, que ça soit au Dakar, au rallye, en Formule 1, en WEC, en n'importe quelle catégorie, en monoplace ou autre, s'il n'y a pas une équipe indépendante ou deux, ou des équipes ou des équipages amateurs, ça n'a plus d'intérêt. Non pas parce qu'ils vont gagner la course, ils vont pas gagner la course, on le sait très bien, mais ils sont là pour donner une légitimité à ceux qui gagnent, tout simplement. Parce que c'est pas du tout comme le foot. Ouais, le foot là, c'est pas du tout la même chose. T'as des équipes amateurs qui viennent casser la figure à des équipes de Ligue 1 et c'est très bien et c'est comme ça qu'on aime le foot et surtout la Coupe de France. Mais en sport auto, on a besoin de ces amateurs. Sûrement. Pour... Oui, je parle en tant passionné, mais du coup... Ah là, tu me... Non, mais du coup, c'est vrai que mais voilà, oui, en sport auto, c'est ça. Il faut des amateurs et les grosses écuries, je parle surtout en Formule 1, se plaignent parfois d'avoir ces espèces de petits boulets qu'on appelle indépendants parce qu'ils disent « Putain, mais vous nous faites chier. Chaque fois, faut essayer de trouver des nouvelles choses pour plafonner les coûts, pour faire ceci, pour faire cela. » Et au final, ils sont là et on a besoin d'eux. Même s'ils ne gagnent pas forcément, on est content quand même quand, par exemple, ils vont grappiller la 5e ou la 4e place. Ça n'a l'air de rien. Mais pour ces gens-là qui se battent au quotidien pour rester dans une catégorie qui reste malgré tout une des catégories du sport en général les plus chères, parce que engager une équipe de Formule 1, c'est très coûteux. Et du coup, forcément... Tu as ces belles histoires qui font, voilà, ça fait de l'aventure humaine. Et le Dakar, ben voilà, sans amateur, ben il n'y a plus de Dakar, il n'y a pas d'intérêt à ce que Peugeot se batte avec Toyota, qui se bat elle-même avec Mini, qui elle-même se bat avec, voilà, il n'y a pas du tout d'intérêt, quoi, soyons clairs. Donc, et malheureusement, France Télévisions, ce qu'ils faisaient avant, ne le font pas, enfin, ils font plus de focus. Ouais, c'est clair, ça donne pas envie comme ça donnait envie il y a une paire d'années, quoi. Ouais, exactement, ça. Ouais, je regardais avec plaisir. Alors que là, pff, Bah là c'est, tu sais, c'est très sur les grosses structures quoi, c'est là c'était Peugeot et c'était Peugeot parce qu'il y avait l'Aube. Tu vois, l'Aube, ouais, Peugeot, puis, Peugeot. Tu vois, il y a des reportages de 5 minutes sur ce qu'ils bouffent à la cantine, j'en ai un peu rien à foutre, ouais, quoi. Ou sur la culture du pays, c'est encore pire. Je te jure, c'est encore pire. Bah, j'ai l'impression de regarder le Tour de France quoi. C'est ça. L'hélicoptère qui passe au-dessus. Et du coup, c'est vrai que quand tu vois le Dakar comme ça, bah tu te vois, bon, bah le coup d'après tu retournes pas, tu changes de chaîne. Après, tu sais, ce traitement n'est pas forcément dû à France Télé. On l'a expliqué dans le podcast. C'est un lot global. Ouais, ils ont le Tour de France et ils ont le Dakar. Voilà. Ouais, ça leur va bien. C'est le traitement. Et du coup, on va pas débattre. On va pas. Non, on va peut-être pas redébattre. On va pas refaire le truc. On va peut-être ici, continuer mais moi, j'aime un peu. Bien. Ouais. Non, mais vraiment, c'était un épisode intéressant, même pour les personnes qui sont pas passionnées de voitures. Moi, j'aime bien tout ce qui est 4L Trophy. Pardon, j'ai plus d'eau dans mon verre et j'ai la bouche toute sèche. Ah. Et en général, ça c'est la fin de l'émission quand tu dis qu'il y a plus d'eau dans le verre. Ouais. Voilà, j'en ai encore, tous ces trucs-là, j'en ai encore les... deux ou trois. Donc c'est les réalités gazelles, les choses comme ça. J'aime bien en fait c'est vraiment voilà, pas les gens qui galèrent, mais les gens qui méritent leur arrivée. Et puis voilà, du coup, j'aime bien ça. Alors, tout il était fait. Bien votre épisode. Bon, c'est bien. Je bravo les mecs. Merci. Et j'en mets un extrait là tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission spéciale Dakar où nous reviendrons à l'occasion de ce one shot sur l'édition 2016 du Dakar et plus globalement sur le Dakar en général. C'est un ancrage culturel, c'est ta culture, c'est la culture de ton pays, c'est le pays dans lequel t'es né qui va te faire accrocher à ce que représente la beauté d'un rallye raid. Tu pourras jamais avoir l'intensité d'une confrontation en piste, quoi. C'est sûr. Rien que ça te coupe complètement d'un certain public, quoi. Ça n'intéresse pas les gens. Voilà, il y a c'est les logiques aussi mercantiles qui font que bah, du coup on représente une marque, on représente un modèle. Vous voyez tout ce que Peugeot a pu mettre comme je pense qu'on en parlera, tout ce que Peugeot a pu mettre comme moyen, c'est hallucinant. Donc voilà, tu sens vraiment tout le poids de l'amateur qui a mis des économies dedans, il a fait ses sacrifices toute l'année, c'est ça, et le mec se rend compte que c'est pas du tout ce qu'il avait attendu. Ça c'était beau comme séquence, mais sur le reste c'est n'importe quoi. C'est ça aussi qui... Victor, avant de partir, est-ce que tu peux nous donner ton pronostic sur le vainqueur du Dakar? Alors c'est assez dur parce que j'aurais dit Sainz jusqu'à aujourd'hui. Ça semblait assez serré, il était en embuscade derrière, mais on voit ce qui s'est passé. Peter Hansel est toujours devant. Non, et vu ce qui s'est passé pour Sainz, non, je suis pas capable de dire ce qui va se passer. D'accord. C'est encore ouvert, quoi. Peut-être que Toyota a peut-être encore une chance de gagner. Quelle langue de bois. Et en quad. Et en quad. L'Argentin est très bon. Ouais. Et en camion. En camion, Baman. Non, j'en sais rien. Eh ben, merci à vous de m'avoir accompagné. Merci à toi. Merci à toi pour ton invitation. Merci aussi aux auditeurs. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à bientôt, que ce soit dans le SAV de la F1 ou dans une autre émission spéciale. Salut. Salut. Ouais. Salut. Salut. Et maintenant, tu peux me parler de quoi? Tu sais plus. Hein. Si. J'ai une autre catégorie parce que tu sais, en fait, j'ai deux catégories de podcasts. J'ai le podcast sport, les podcasts sport mécanique. J'aurais pu te parler de Motors sur RMC que j'écoute tout le temps, mais ça c'est grosse radio, donc ça s'en fiche complètement. Oui, voilà, les gens qui veulent écouter de la radio sauront la trouver. Voilà, et il y a les podcasts tech, hein, voilà, forcément. Le comptoir Sécu, c'est super bien ça comme podcast. Il y a trois ingénieurs qui font ça là et qui on apprend plein de choses là sur la sécurité, même pour quelqu'un qui est pas dans l'informatique, franchement ça c'est plaisant à écouter. Et en même temps ils boivent des bonnes petites bouteilles, tu vois, moi aussi je commence à oui, bah on va bientôt conclure, t'inquiète pas. Voilà, c'est super le intéressant. Le comptoir Sécu, je me suis arrêtée dessus une fois. J'ai pris un petit peu en route, et du coup, pas en route de l'épisode, hein, mais en route dans les numéros d'épisode, et j'ai été vite larguée. Ah ouais. Mais c'était peut-être il y a un moment, donc du coup, peut-être que, tu vois, peut-être que si je réécoute, eh ben, je saurais mieux le comprendre. Il y a peut-être des épisodes qui sont plus faciles à appréhender que d'autres. Je suis peut-être pas tombée sur le bon. C'est ça. Peut-être, ça c'est possible aussi. Donc du coup, voilà, c'est... Après, il y en a un autre qui s'appelle No Limits Sécu, où là, je te recommande absolument pas l'écoute, parce que lui, il est vraiment pour les initiés. Mais quand je te dis qu'il est pour les initiés, c'est que... D'accord, non parce que... Il fait peur, il fait très peur, c'est que tu l'écoutes, tu ressens, même moi qui suis quand même dans le métier, bah, même moi je me sens petit, je me dis, bon, bah, je peux aller me rhabiller avec mes couches, hein, je suis un, voilà, et puis on va y aller. Non, c'est vraiment pour les initiés, c'est pas... Il y a alors, toujours un... No Limits Sécu, non, encore une fois, il va être accessible, comment te dire ça, c'est très pointu, il faut déjà une première, ouais, une bonne connaissance. Oui, il faut avoir de bonnes connaissances parce que quand tu, par exemple, un épisode, là, celui du 2 janvier qui s'appelle Actu SSL, si je te dis pas ce que c'est le SSL, tu vas pas comprendre. Ok, d'accord. Voilà, ben c'est tout. Ça doit quand même être intéressant. Oui, c'est très intéressant. Pour résumer très rapidement, le SSL, c'est le petit cadenas quand tu vois, quand tu vas consulter ta banque ou quand tu vas faire des achats sur Internet. Tu vois, le fameux S après le HTTP. Et donc, tu penses que ça, si quelqu'un écoute un épisode comme ça, les gars... Ouais, il va avoir du mal. D'accord. Ouais, il va avoir du mal. Non, faut être honnête avec les gens. Non, il va avoir du mal quand même. Il va avoir du mal. C'est raide hein, d'écouter des choses... Ils vont utiliser des acronymes qui vont pas forcément expliquer derrière. Ah ouais. Donc No Limits Sécu, il faut l'écouter qu'une fois qu'on a écouté tous les comptoirs sécu. C'est mieux, ouais. C'est peut-être associé. Non, c'est pas associé, mais par contre, il vaut mieux quand même faire de la veille informatique. C'est pour mystifier le truc, hein, mais les mecs sont très intéressants, ils sont très pointus dans leur domaine, mais. Ça, c'est raide quand même. Hein. Même moi, je te dis, j'ai du mal à parfois les écouter. J'arrête, je me dis, oh, ouais, doucement, les gars, quand même. Donc, c'est vraiment un peu le style, tu vois, de ce que je faisais moi avant avec En Flux Libre. C'est vraiment un podcast d'initié, quoi. C'est qu'on utilise des acronymes tous les trois, les trois mots. Et donc, du coup, il comprend plus rien à la fin, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a bité enfin, j'ai rien bité, en fait. Donc, ça peut devenir chiant d'écouter du podcast comme ça, quoi. Tu vois, je rebondis un peu sur ce que tu disais par rapport à Irsilo. Pas gentil. C'est si, pas... Si. Ouais, bon. J'aime non. bien rebondir. Bref, okay. Par rapport à Airslo, tu sais, où il utilisait des acronymes, moi non plus, j'ai rien compris. Hein. C'est sur le podcast sur l'éducation, là, comment il s'appelait Les agités. Le FLE. Le FLE, voilà. Ouais. Moi, j'ai rien bité, moi non plus. Il a fallu que vous expliquiez avant que tu me dises « Ah, il parle de ça ah, !» Eh ouais, ben okay. Je pense qu'on a expliqué vite. Enfin, je l'ai arrêté vite en lui disant hop, stop. Hop, oui, voilà. Ben, c'est pour ça que je ne me risquerais pas à faire la même chose avec l'informatique. Parce que c'est rempli de mots, de gros mots et que c'est chiant à la fin d'expliquer tous les trois mots et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. D'accord. Donc, okay. Moi, quand c'est comme ça, du coup, je mets un podcast qui s'appelle le ZQSD, qui est un podcast de jeux vidéo. Et là, ça détend, ça c'est sympa. C'est un peu dans la même veine que Gamecraft aussi, qui je crois le pendant de TechCraft. Hein, je crois que c'est la même équipe qui fait ça. Je suis pas sûr. Hein. Là, par contre, je dois peut-être m'aventurer sur des choses que non, je connais non, ils pas. Ont juste changé de nom. Ils savaient pas quoi faire. Ah, ils ont changé de nom. Mais ouais, ils savaient pas quoi faire. Et puis à un moment, ils se sont je sais pas quoi faire là, je vais changer de nom. Hop, ce serait une bonne idée. Non puis comme ils étaient inspirés, ils ont mis à la place de mettre game, ils ont fait on va mettre tech, c'est bien. Ouais, ah d'accord. Voilà. Ouais, okay. ouais. Aussi simplement que ça. Ouais. Et j'en ai un autre qui est un de mes préférés. Qui s'appelle... Bonjour les gens de TechCraft. ouais, salut, ouais, du coup. J'en connais un, je crois, qui intervenait dedans. Je crois que c'est Oasis35. Hein, je le salue si jamais il écoute. Et j'en ai les un autres, autre. Non. Les autres, ils vont se faire foutre. Bah, surtout, je les connais pas, les autres. Ah bah, donc, ok, je peux il pas, faut se faire je foutre. Pas, j'en sais rien, je les connais pas. Mais je te dis, c'est un truc, moi, si je suis pas impliqué dans le podcast ou si j'écoute pas de manière régulière, j'ai du mal. Hein. si j'écoute pas non plus régulièrement, je suis incapable de dire les noms des gens. Bah voilà, c'est ça, quoi. Ouais, et, ouais. Il y en a un autre, c'est mon petit préféré, ça s'appelle la case rétro. D'accord. C'est sur le rétro gaming, donc tous les vieux jeux. Et ça, ça a fait appel à, forcément à tes souvenirs quand tu t'étais plus jeune et que tu jouais sur des vieilles consoles, sur les PlayStation, les Super Nintendo, ce genre de choses-là. Et c'est super sympa, c'est animé par des gens qui sont aussi super sympas, super cool. Je pourrais pas te dire les noms parce que là, pareil, je ne saurais pas vraiment les retenir. Et puis là, par contre, je peux pas t'aider parce que je les connais pas. Dans TechCraft, j'ai fait exprès parce que je les connais tous. Ouais. Mais voilà. Tu vois, ça parle par exemple, il y a un épisode du 21 avril de l'année dernière qui parle de Super Mario Kart, par exemple, Mario Kart 64. On a du Fallout, ils ont parlé de Fallout, ils ont parlé aussi de bah, ils parlent de jeux qui on sait très bien que c'est pas des jeux d'aujourd'hui, mais voilà, c'est des jeux qui nous évoquent des souvenirs, et donc du coup c'est super intéressant. La qualité du podcast est plutôt là, et c'est très agréable. Voilà, en tout cas moi c'est ma petite Madeleine de Proust, et étant grand amateur de jeux vidéo, du coup c'est vrai que c'était assez intéressant. Après, d'accord. La case rétro, si tu veux, ça on peut mettre un extrait parce que ça me gêne pas d'aller écouter. Oui, voilà, oui. Et puis c'est du jeu vidéo, ça. Non, c'est... je plaisante. Voilà. Je plaisante pour les autres que j'ai pas eu. Non, c'est pas vrai, mais je t'en prie. Oh là là là là. T'as dû te fâcher avec beaucoup de monde à force. Non, je fais du montage et je coupe. Non, voilà, c'est ça. J'ai certaines overdoses dans certains domaines de podcast, donc voilà. D'accord, mais ça va, ouais, je peux aller écouter, donc je peux en mettre un extrait de la case rétro. La case rétro, je pense que c'est pas mal. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode 100% Retro Gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr. Aujourd'hui, on va parler d'une série, on va dire, emblématique, puisqu'on va parler des Tony Hawk Skateboarding pour le premier, puis après, on l'appelait Tony Hawk Pro Skater, même en Europe. C'est vrai qu'il y a une culture du skate que je respecte, qui est tout à fait importante et qui est, à mon avis, bien transmise dans le jeu, mais... Au niveau du gameplay, j'aime bien le jeu parce que finalement c'est un jeu de scoring, donc du coup le skate c'est qu'un prétexte. Et du coup si tu connais rien au truc, et c'est là où la grande force du jeu est forte, c'est qu'elle arrive quand même à fédérer des gens qui ne sont pas du milieu et à leur faire prendre du plaisir en jouant. Et moi je suis sorti du jeu après y avoir joué et rejoué, je me suis pas plus intéressé au skate que ça. Je tenais pas sur un skateboard, j'ai fait un peu de roller quand j'étais jeune mais j'étais nul. Bon bah voilà, c'est pas le jeu qui a transformé, que d'un seul coup je me suis dit je vais mettre des baguilles, je vais sortir et puis je vais écouter du Avril Lavigne, quoi. C'est pas... Puis t'étais un gamer, donc tu sortais pas de façon... En plus, accessoirement, faut être logique à un moment, tu sais, c'était pas logique. Les gars qui faisaient du skate, parce que pour faire du skate, fallait aller dehors, donc tu jouais pas à la console. On peut le voir comme ça. Que disait la presse à l'époque? Est-ce qu'ils ont surkiffé Tony Hawk? Au contraire, ils ont pas aimé du tout? Qu'en a pensé la presse? Ouais, on va commencer d'ailleurs par le petit argument market avec une promesse assez sobre qu'on nous a vendue. C'est tout simplement le meilleur jeu de skate jamais vu. Voilà, comme ça. Est-ce que c'était pas en même temps un des rares jeux de skate C'est ça, voilà. Pour terminer, surtout n'oubliez pas, le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut. Salut. Salut. Ça me fait penser au podcast qui s'appelle Papa, à quoi tu joues, tu connais ? Non, je connais pas, mais je devrais connaître, à mon avis, vu le titre, ça m'intéresse tout de suite. Bah voilà, Papa, à quoi tu joues, ça parle Papa aussi de jeux vidéo. J'en ai écouté un ou deux il y a un moment, donc du coup je pourrais pas exactement être plus précise que ça, mais voilà, il y a un podcast comme ça. Dans mon cast, si j'arrive à le trouver. Ok. Sinon, ça va, impeccable. Et sinon, j'en ai deux ou trois comme ça qui sont classés nulle part parce que. Ça m'intéresse. Parce que je ne sais pas où les classer. Je ne suis pas cinéma d'habitude, mais j'en écoute un podcast sur le cinéma qui m'a fait hurler de rire à chaque fois, qui s'appelle Deux heures de perdu. Je sais pas si tu connais. Putain, moi j'aurais rêvé de faire un podcast pareil. Parce que c'est bon, hein. T'as vraiment l'impression. Et en fait, écoute, à force d'écouter ce genre de podcast, quand tu commences à tomber sur un vieux film ouais, c'est ça. À la télé, t'as envie de faire pareil. Mais les gens qui sont avec toi, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils font, mais si t'aimes pas, regarde pas. Je dis, mais non, mais vous avez rien compris. C'est... Il faut que je le regarde. Les mecs sont frappadingues. Ils rigolent tous les deux phrases, mais ils sont complètement barrés. Mais... Il y a. Allez, il y a une dizaine de jours, oh, peut-être 15 jours, je sais plus. Ben bref, on s'en fout puisque je sais pas quand est-ce que sortira ce podcast. Voilà. Ils ont repassé Speed et Speed 2 juste après. Ah oui. Bon ben voilà, c'est bon. Et t'as... tu le regardes plus jamais de la même façon. Voilà, mais non, c'est, oui, c'est ça. Et... c'est ça quoi. C'est... Ouais, non, c'est vraiment bon. C'est vraiment très bon. Je sais pas comment je les ai découverts. Je crois que c'est... je les ai découverts sur Twitter, une connerie comme ça. Enfin, au détour d'un truc. Et du coup, je suis tombé sur le nom d'un film. Je me demande si c'était pas Esprit Rebelle, tu sais, le film de. Oui, bien sûr. De 94. Oui. J'avais regardé et que j'avais trouvé plutôt bien. Et en fait, quand j'écoutais le podcast et après, quand je l'ai revu, je me suis dit, ouais, ouais quand même. Par contre, ils m'ont saboté le sixième sens. Ils ont fait le sixième sens. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. J'irai l'écouter. Et là, tu le regardes plus jamais de la même façon. Ouais. Tu fais, ah, les salauds. Oui, ils ont fait Matrix juste après. Oui, et Matrix, pareil, ils l'ont. Oh non, ça va, Matrix, non, ils l'ont pas trop. Ça allait encore, mais bah écoute, j'écouterai le sixième sens. Il est mis en téléchargement comme ça. Mais non, j'ai trouvé. Moi, un podcast comme ça qui se fiche de tout, je kiffe, je surkiffe en fait. C'est, ah oui, puis ils ont des running gags tout le temps entre celui ouais, qui ça. Est allé chercher son DVD à la bibliothèque. Et qui s'est trompé de boîte. T'as l'autre qui l'a toujours vu en 1,5, en x2. Il y en a un qui l'avait pas en français, l'autre qui l'avait que... Enfin, c'est à mourir de rire. Non, ils sont très bons. Non, mais c'est vraiment très bon. Ouais. J'en ai un autre qui est aussi hors classement, qui s'appelle Geek et Légende. Oui. Que j'ai découvert aussi vraiment par hasard sur Twitter. Mm-hmm. Parce qu'il faisait un truc sur les fantômes, mais allez, vends-le-moi bien. ouais, je vais bien te le vendre parce que allez. Alors, ce sont des très longues émissions mm-hmm. qui peuvent excéder plus de 3 heures. Là, j'en ai un de 4h29, donc c'est absolument énorme. Mais en fait, ils te prennent un sujet geek ouais. et ils essayent de te le démystifier. La dernière fois, il y a eu une fois où c'était sur les fantômes. Là, j'ai la momie, par exemple. Là, j'ai la table ronde. Donc, a priori, c'était sur les légendes arthuriennes. Ouais, ouais. Voilà, donc des choses qui sont plutôt rattachées à l'univers geek. Et ils te le démystifient. Ça sort pas... C'est pas très, très, très régulier. Mais en tout cas, quand ils préparent une émission, à mon avis, ça doit faire une bonne dizaine de pages. Parce que... Il faut s'accrocher pour l'écoute, mais une fois que t'es dedans, c'est plutôt sympathique. Et je les ai découverts, moi, avec l'épisode du fantôme. Où donc ils essayaient de démystifier toutes les légendes qu'il y avait autour, et étant un grand fan de paranormal, de fantômes et de choses bizarres, bah du coup c'est vrai que ça m'a tout de suite parlé. Mais moi ça m'intéresse en fait. En fait je pense qu'on aime bien. On a un autre côté enfantin qui aime bien nous raconter des histoires. C'est ça, ouais, c'est nous, ça. Ouais. Nous faire croire que. Ouais. Et du coup par plusieurs fois je suis tenté de faire un podcast sur l'ufologie. L'ufologie, ouais, tout à fait. Ouais. Ce sont des sujets. Il y a un très bon épisode, peut-être même deux, de l'agence Too Geek où justement ils ont invité. Est-ce qu'on dit un ufologue possible? Je ne sais pas. Oui, on dit un ufologue. Je te confirme. Et il était très intéressant cet épisode parce que le gars, il était tellement à fond dans son truc. Je vais le noter, ça, l'agence Too Geek. Ouais. Alors, je ne sais plus du tout quel épisode c'était. Bon, en même temps. Ouais, mais j'irai chercher, t'inquiète pas. Ben non, mais je peux aller regarder. Puis, de toute façon, les gens qui écoutent savent que je vais mettre le lien et qu'ils auront qu'à juste chercher. Tu es trop sympa avec tes auditeurs. Et. Est-ce qu'il mérite que je sois sympa avec lui? Je ne sais pas. Mais oui, je pense qu'il le mérite. Il faut prendre soin de ses auditeurs. Ouais, bah je peux pas commencer à faire ma lèche-cul quand même. Ah, je sais pas, après ça, c'est toi qui vois s'il y a possible. Je te jure. Et il y en a un autre, un peu hors catégorie, mais parce que j'ai pas vraiment de catégorie, donc mais je le mets un peu ailleurs. On s'en fout de toute manière, tu es obligé de mettre quelque chose dans une case. C'est ça, c'est exactement ça. C'est podcast science, parce que je suis un gros passionné de science. Malgré ma passion pour le paranormal, l'étrange et l'ufologie, bah du coup, je suis aussi un gros passionné de science. Et j'aime beaucoup podcast science. Voilà. Mais moi, je trouve que ça se contredit pas. Hein. Non, pas du tout. Mais beaucoup de gens pensent que ça se contredit, Karine. Donc c'est pour ça que je préfère mettre des grosses pinces, tu vois, des gros guillemets. Voilà, j'aime ce côté étrange et j'aime mais la justement, science. Mais justement, c'est ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans l'épisode de l'agence Tougui où il y avait cet ufologue, c'est que... et c'est pas un taré, quoi. Mais non, pas du tout. Il est même presque plus rationnel qu'un autre, parce que vraiment, le gars allait chercher un tas de détails pour essayer de se contredire même lui-même. Enfin, non, c'est logique. Karine... Oui, pardon. J'aime bien quand on m'appelle par mon prénom. Du coup, je me tais. tu as toute mon attention. Vas-y. Tu sais, tu sais qu'il y a un département officiel au CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales, consacré aux ovnis, à toutes ces affaires que la gendarmerie compile chaque année. Et il y a même sur Internet un site consacré à ça, hein, qui c'est un vrai département qui existe, hein, au CNES, donc à Toulouse. Ça s'appelle le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est un vrai truc, enfin c'est un vrai groupe d'études, c'est pas des conneries. Il y a même un site, hein, cnes-gepan.fr. Et on peut retrouver en fait toutes les études, tous les cas, tous les phénomènes ufologiques, on va dire ça comme ça, qui se sont déroulés depuis que ça a été constaté. Et a priori, il y a 2-3 cas qui restent entourés d'un flou et d'un mystère. Et voilà, c'est simplement pour dire que c'est vrai que les gens, on a tendance à considérer, c'est pour ça que je le dis pas forcément que j'aime ce côté-là. J'aime ça parce que on a tendance à considérer que on est complètement malade du ciboulot, qu'on est tombé sur la tête, mais t'es complètement con, il y a pas d'OVNI. Non, mais on n'en sait rien du tout. Ben, moi, j'en sais rien du tout, s'il y en a ou s'il y en a pas. Tout ce que on essaye après de savoir avec des observations, de recouper des éléments, et puis voilà, c'est tout. Je suis pas plus dérangé qu'un autre. Et effectivement, je rejoins très bien ce que tu dis où il a peut-être des côtés plus rationnels que certains de ce que d'autres personnes, c'est sûr. Donc voilà, c'était simplement la petite digression par rapport aux ovnis. Et comme dirait une célèbre affiche, I want to believe. Hein, voilà, je veux pas aller plus loin. Et puis je finirai sur un podcast que j'écoute tout le temps. C'est Walter Proof. C'est le WAPEX. J'aime bien le WAPEX, moi. Il me fait marrer, le WAPEX. C'est un peu mon grand frère spirituel. Pourquoi ? Alors, bien que je ne le connaisse pas tout à fait vraiment, ce Walter Proof, qu'il ait une voix un peu bizarre et déformée. Bah, en gros, il parle aussi de musique. Il passe plein de petits extraits. C'est sympa plus comme que tout. Plus que fut un temps, mais ouais, c'est ça. Ouais. Oui, apparemment, le format qu'il avait avant, le Wesh Wesh de mémoire, a priori était un Ouais format wesh, qui... ouais. Le Ouais Wesh, voilà. Ouais, oui, ça me faisait wesh, bizarre. Wesh. Bah ouais, ça me faisait bizarre en entendant. Wesh Wesh. C'est bizarre. Wesh ma gueule. Ouais, tu vois. Walter, non, le Walter, wesh. On va lui prêter un côté rebelle, quoi. C'est clair. Un côté, ouais, non, ça. Tu vois, on va mettre autour de Pompidou, on va mettre, tu sais, un collier de pique. Enfin voilà, quoi. Wesh, ouais. Wesh. Il va être content, tiens. Et non, le Wesh Wesh. Et là, il passe beaucoup d'extraits. J'ai beaucoup appris de choses sur des musiques. Il a une passion là pour des musiques des années 50, 60. Frank Sinatra, Nina Simone, ce genre de choses là. Et c'est vrai que je trouvais ça plutôt intéressant. Et la façon de l'aborder fait que la façon de l'aborder, c'est ça, il explique, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Il a fait une émission une fois où il parlait de Charles Trenet. Moi, ouais. Charles Trenet, j'en ai autant le dire tout de suite, rien à carrer. Ça m'intéresse pas du tout. Bah oui, mais parce qu'on sait pas te l'expliquer. Et ben lui, il a su. C'est con, mais je suis resté bête devant devant ses passages, ses extraits, ses explications. Je suis resté bête, comme je suis resté ébahi. Je me suis dit, ah, oh, putain, oui, en fait, ouais. Oh là. Et du coup, ça m'a donné envie d'écouter du Charles Trenet. C'est quelque chose qui excellent. Est improbable en 2016, enfin 2015 plutôt, parce que c'était l'année dernière. Mais putain, moi, ça m'a donné envie. Il a cette façon d'approcher d'essayer de t'expliquer ce que l'artiste voulait te dire, que du coup ça me donne envie, quoi. Donc lui sera invité, je l'espère, très bientôt dans l'Invité des Abyssales, parce que j'ai vraiment envie de l'entendre dans un autre contexte que ses émissions à lui. Peut-être avec sa vraie voix, qui sait. je sais pas pourquoi je fais une fixette sur sa voix, parce que elle m'intrigue, sa voix. Après, apparemment, il a une voix plus aiguë que celle qu'il a dans ses podcasts. Tu t'es renseigné? Non, j'ai écouté une de ses émissions, en fait, où c'était pour les 10 ans de l'inaudible, où il y a quelqu'un qui disait qu'il avait une voix un peu, il était surpris d'avoir une voix comme, enfin, d'entendre une voix pareille. D'accord. Et donc je pense qu'on l'aura très rapidement dans l'Invité, et ça fera vraiment plaisir, parce que c'est vraiment quelqu'un, en tout cas, qui voilà, c'est un podcast que je suis tout le temps, et puis il fait aussi des sagas MP3, hein, faut pas l'oublier. Tu crois qu'il est disponible comme ça? Donc voilà, mais en règle générale, le WAPEX, comme le podcast, comme les sondiers, comme ton podcast, et comme le mien, forcément, et comme Lifestyle, font partie de ces podcasts que j'attends en général avec impatience et que je vais écouter dans la journée dès que ça sort. Et tu m'en as fait découvrir un, enfin plutôt Irslo, mais je crois que toi aussi tu dois l'écouter, c'est Temporium. Ah oui, je suis passionné d'histoire, et je ne savais pas qu'il y avait un podcast d'histoire qui s'appelait. Ça fait partie des tout premiers que j'ai écouté, ouais. Et ben, ouais, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Et je vous remercie tous les deux, parce que du coup, ouais, vous m'avez fait découvrir. Ah bah là, t'en as un paquet à récupérer. Ouais, j'en ai un paquet hein. À rattraper, ouais, je sais. Ah ouais. C'est cette façon de nous apprendre l'histoire qui maintenant, je préfère qu'on me raconte des histoires. Voilà, c'est tout. Ah ouais. C'est tout, c'est juste ça. Et c'est comme ça que j'ai envie de raconter l'histoire à mes enfants, quoi. C'est ouais. En leur racontant des histoires. C'est plus facilement mémorisable. Mmh. Tu te souviens plus rapidement des anecdotes. Et après, les dates, c'est secondaire pour moi. Les dates, oui, forcément, si t'as envie de situer, si t'as envie d'être méticuleux. Mais à part savoir que Louis XIV a régné pendant 40 ans jusqu'en 1715, franchement, à quoi ça va te servir? Est-ce qu'en dans un dîner en ville, tu vas dire ça? T'en as rien à foutre. Donc voilà, pour moi, j'ai envie qu'on me raconte des histoires. Et c'est pour ça que Temporium, moi, c'est super bien amené. Merci pour, en tout cas, la découverte, parce que j'étais enchanté de découvrir ce podcast. Voilà. Ah bah, c'est cool. Tant mieux si on fait découvrir des trucs. Bah oui, c'est un peu ton rôle. Du coup, oh, c'est un peu ton rôle. D'un coup, je sens tout le poids de la responsabilité me tomber dessus. Je viens de prendre 10 kilos. Non. Rien que ça. voilà, et puis qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Bon... Ah oui, que t'allais conclure quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. J'attendais que tu finisses. Donc. Bon, alors, on va conclure maintenant qu'on a bien discuté, que tu m'as fait découvrir certaines choses et dont. Et on a parlé de certains podcasts dont on avait tous les deux connaissance. Mais ça, c'est cool aussi de savoir que. Bon, qu'on n'est pas tout seul à écouter ça, puis qu'on peut peut-être un peu partager là-dessus. Puis de toute façon, on n'est pas forcé de venir ici me faire découvrir des choses à chaque fois. Hein. On peut de temps en temps évoquer des choses qu'on a déjà évoqué, il n'y a pas de problème. Moi, je suis contente que tu sois venue nous faire partager ta bonne humeur. Merci. Je suis contente parce que j'avais envie de faire ta connaissance depuis longtemps. Oui, donc, j'étais très contente que de participer à votre podcast. Oui, on est deux. Oui. Faut pas oublier. Pas... Non, non, n'oublie pas Jay. Après, il va être pas bien. Pas du tout. Faut pas l'oublier, le pauvre. Ouais. Sinon, bonjour Jay, si t'écoutes, oui. Si jamais. Bonjour Jay. Mais oui, il va écouter, y a pas de problème. Alors bonjour et à bientôt. Parce qu'il va venir faire un tour par ici. Mais oui, et... ça va être intéressant aussi. C'est pas un grand bavard lui, par contre. il va me tuer quand il va entendre ça. Mais qu'est-ce qu'il va me dire? Mais putain, je vais le tuer. Il aura raison. Si on veut te retrouver, on t'entend dans Les Abyssales. Ouais, c'est ça. Voilà, avec Jay. Oui. On t'entend aussi ailleurs ou pas? Actuellement, non. À part Les Abyssales, il est invité, c'est tout. Il n'y a pas d'autres projets. Avant, dans Analyse des fins, mais maintenant, c'est terminé. Donc, non. Projet épisodiquement, par-ci, par-là, quand on me demande de participer à des choses, voilà. Ou des sagas MP3 éventuellement. Non, mais ma voix devrait participer à un petit truc cette année, donc surprise. J'en dis pas d'accord. Plus. D'accord. Et quand vous sortez des trucs comme ça, vous me faites signe, vous faites une petite notif, parce que comme je suis pas... Pas de problème. Comme je suis pas tout, ben moi j'aime bien savoir, alors faut pas hésiter à faire « Hey, on a fait ça, viens regarder !» Ah oui, y a pas de souci, je sais que j'ai un bon public pour ça maintenant, donc pas de problème. Aucun problème. Ça marche. Bon, alors ouais. On dit au revoir à tout le monde. Merci ouais. de nous avoir écoutés jusque-là. L'épisode ne fera pas 3 heures. Rassurez-vous, il y aura des. Oui, putain, je viens de voir mon Reaper. On fera des coupes de sauvage. Parce que moi, j'hésite surtout pas à couper. Des grosses parties. Dès que je m'auto-soule, je coupe. Donc si tu me saoules, je te couperai aussi. Bah, d'accord. Non, mais voilà, c'est pas du tout pour ça, c'est pour par respect pour les gens qui écoutent. Non, mais c'est normal, il y a pas de faut savoir choisir. Non, y a pas et de du coup, si vous avez, je sais pas, des choses à dire, des commentaires, ben le mieux c'est sur Twitter. Vous me retrouvez, c'est @kikrine, K-I-K-R-I-N-E, et puis Redscape. Qu'on retrouve également sur Twitter. Oui, tout à fait. R_Redscape. Voilà. Ouais. C'est pas très facile, mais R-E-D-S-C-A-P-E. Voilà, Redscape. R_Redscape. Faut pas oublier le R. Avant, parce qu'il y a d'autres Redscape. Mais... C'était un peu comme les Karine, ah c'est bon pareil. Il y en avait d'autres avant, donc j'ai dû. Ah oui, ok. J'ai dû modifier un peu le truc. Voilà, on me retrouve là, et puis. Puis ailleurs sur le web, dans d'autres trucs, mais cela est une autre histoire. Ah oui, et puis je sais pas moi, du coup j'ai même pas le droit de savoir, c'est trop nul. Non, dis au revoir, on va en repart pas là, on dit c'est au revoir. C'est ça, tu m'en trouveras pas sur Facebook si c'était ça la question, ni quoi que ce soit, non, mais voilà, on peut me retrouver ça et là dans certains d'autres projets qui concernent d'autres choses, donc voilà. Bon, okay. C'est de l'informatique en général, donc ça va pas intéresser grand monde, donc voilà, c'est tout, c'était juste pour la fin. Ok. Merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Tu sais, mais toujours, on a toujours envie de s'excuser, c'est nul. C'est ça. On a toujours envie de s'excuser. C'est ça, c'est exactement c'est ça. Nul. Ouais. On est pathétique. Ouais. Merci Karine en tout cas, merci à toi. Merci à toi d'être venu, c'est toujours un plaisir. Allez. Bonne soirée tout le monde, ou peut-être, je sais pas, bonne journée. Voilà. Moi. Ouais. Bonne tartine, bonne rillette. Bonne cuite. Ça se trouve, il y a des gens qui boivent tout seuls en nous écoutant. Vous finissez pas la bouteille, par contre. Non, c'est pas une bonne idée. Vous savez que si vous commencez à boire tout seul, c'est qu'il y a un problème. Il faut consulter. Ah, oui, il faut consulter. Ah, oui. Allongez-vous sur notre clic-clac. Ouais, avec de la rillette. Non, on va amener des rillettes. Ah, ça pas, mais je vais vomir, je crois. La rillette. Avec... Ah non, il faut pas boire tout seul. Hein. On va vivre. Si. Non, ça pas, je te jure, faut pas arrêter. Un monologue à moi tout seul, tu vois. Tu vois, moi je suis 6 ou 7 dans ma tête, tu vois. Moi, je t'ai présenté comme étant 3 ou 4 dans ta tête. Bah, moi, je suis 6 ou 7. Ah, j'ai adoré cette présentation. J'ai dit, ouais, c'est génial, excellent. Ça, je bosse mes présentations, sinon ça sert à rien. Ouais, pas moi, absolument pas. Moi, Puis c'est toujours la même. Je bosse mes conclusions, hein, t'as remarqué. Hein, on l'a refait 4 fois. Ça, c'est de la conclusion. Allez, bonne nuit, les gens. Enfin, ou pas, d'ailleurs. Bonne nuit. Mais pourquoi bonne nuit? La nuit. Arte, c'est la nuit. C'est la nuit. Ouais. Arte, c'est la nuit. Radio.com. C'est ça? Mais oui, mais tu sais que j'ai passé des castings de voix off, mais personne m'a jamais pris. Ça m'a fait chier. Ça doit être génial, ça. Ouais, ça m'a fait kiffer de faire des voix off, mais parce que je pense avoir la voix. Ouais. T'as une belle voix pour. J'ai une belle voix, je sais pas, mais en tout cas, j'avais pas. Une voix personne charismatique, un peu comme, enfin qui. Ouais. Bah enfin, t'étais pas capable de me distinguer d'Aldevar quand même, hein. Donc c'est que je devais pas être si charismatique que ça, tu vois. Bon, maintenant, c'est sûr que j'aurais pris la voix de la rillette, c'était autre chose. Mais. Parce qu'Aldevar, il en a une belle aussi. De quoi? Et de voix? Attention, parce que ça peut être j'en sais à rien. Cette heure-là. J'en sais rien non plus. Je connais pas. J'en sais rien, je suis pas allé voir. Pourtant, on était assez proche, mais. pas le truc qui... Allez, Ariette, à la fin de soirée, je te raconte pas. On n'a pas... Oh, mais j'ai même pas pensé à ça. Pourtant, des fois, je peux faire des blagues vraiment merdiques, mais non, là, tu vois, non. J'avais pas pensé à ça. Non, je suis pas partie du tout là-dessus. Ouais. Du coup, t'as arrêté d'enregistrer ou moi, j'arrive non. Non. Bah non, des fois que tu dises une bonne blague, attends, putain, je vais pas la rater. Celle-là, elle était bonne en plus. Tu sais, on va coller une demi-heure de rillettes. C'est ça. Une rillette pour vous servir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Un divan? Pas de problème. De clic-clac, de ma chez Karine. Voilà. Dépêche-toi. Avec la table. Ouais. C'est important, la table Ikea à 5 euros le carton. C'est très important. Ouais. Et on va s'endormir avec les abyssales peut-être. Tiens, une petite partie lèche-cul. Autopromo. Autopromo, voilà, c'est ça. Autopromo. Parce que je peux pas me lécher le cul, moi. Ça va être un peu compliqué. Ouais, mon chat, il y arrive. C'est ça. Mais comme ça fait du bruit, je lui interdis. C'est dégueulasse en plus. Ah bah, on se dit qu'on est des animaux, mais comment on a fait, nous, dans notre éducation, pendant des millions d'années, pour arrêter de se lécher le cul? Non, mais c'est simplement physique. Hein. On pourrait, je pense qu'on le ferait, sûrement, peut-être, oui. J'en sais rien. Non, c'est pas physique, à mon avis, c'est moral. C'est qu'on nous a appris à ne plus se lécher le cul, parce que vraiment... Mais non, mais physiquement, c'est pas possible. Bon, qui te dit que nos ancêtres, les primates, ne savaient pas le faire? Non, après, on peut plus, mais il y a bien des gens qui se cassent les côtes. Ah non, je te laisserai écouter le podcast. Hein, du coup, je pense que le podcast t'apportera suffisamment de réponses sur la nature humaine et ses diverses équilibrations. Non. Ouh, putain, le gros mot de minuit. Élucubration. Élucubration, merci. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Si, c'est d'accord. Ça, ouais, élucubration. Et puis, j'ai peut-être pas forcément envie de savoir comment faire pour réagir bien à tout ça parce que. Ah non mais attends, je te demande pas de changer, hein. C'est toi qui es parti sur ce voilà, sujet. Non. Ah non. Moi, tu dis ce que tu veux. Je sais même pas pourquoi on est en train de parler de ça. Je ne sais pas. J'en sais rien. Confessions intimes. Bah, au bout de la nuit. Il est 1h03. Bonsoir. Nous faisons une émission spéciale sur l'empathie et le don d'empathie. Tout de suite. Allongez-vous, s'il vous plaît, monsieur. C'est ça. Allongez-vous. C'est le divan. Alors, Karine, l'empathie, t'en penses quoi? Bon, allez, on conclut, on conclut. Parce que là, c'est foutu, là. On va jamais. Tu vas aller te recoucher sur le... Non, c'est bon. J'ai replié le clic-clac. On ne peut plus s'allonger. Parce que c'est cheap, hein, chez moi, la psychanalyse, c'est un clic-clac. Hein, alors... Ouais, voilà. Bon, je vais t'analyser, mais tu vois, c'est cheap, hein, ça va être difficile de faire. Une table Ikea. On a la bonne franquette. Voilà, une table Ikea à 5 euros et puis du saucisson. Il y a du pâté, il y a de la baguette, il y a des cornichons, il y a le verre de vin blanc, c'est la bonne franquette. On est comme ça chez nous. Eh ben franchement, parfois, c'est les meilleures soirées. On peut pas finir la soirée comme ça, attends. C'est ça. Entre bourré et puis ça. À la bonne franquette. Je pense qu'on a un début de, tu sais, on a un début de mono MP3 là. On peut faire un petit truc, tu vois. Un début de personnage. Oh mais oui, c'est vrai qu'on a été en couple dans une autre vie. Oui, c'est vrai. Je m'en souviens plus. Pas. Espèce de gosse là. Je m'en souviens plus. Pour ceux qui savent pas de quoi on parle, il faut aller écouter. Et la terre éclata. Ouais, de François TJP. Pareil, on mettra le lien dans le. Mais oui, c'est vrai qu'on a été ensemble, mais en fait, à chaque fois. On a fois, été ensemble. Pas longtemps, on en fait, en plus. Pas longtemps, ouais. On ne le cite jamais, mais oui, c'est vrai qu'on a. Où tu jouais quand même la débile. Hein. Faut quand même dire si les choses comme elles sont. Hein. Putain, tu faisais vraiment bien en plus. Hein. Oh, je me suis trouvé pas encore assez débile. Il faut qu'on en fasse. Oh bah un. Putain, je sais pas ce que ça donne vraiment la grosse débile, mais. Je peux faire mieux. Ouh. Je suis sûre que je dois pouvoir faire mieux. C'était déjà hardcore. Hein. Ben, il faut qu'on lui dise qu'il en écrive un nouveau. Ouais. Oui, absolument. Et ouais. Puis par contre, il faut qu'il écrive pour nous, quoi. François. Et tu crois qu'il François. S'appelle. Tu crois qu'il s'appelle François? Oui, il doit s'appeler François. Oui, il s'appelle. Il s'appelle vraiment François. Oui, je te confirme. Bon, Monsieur TJP. Mais il l'écrit peut-être avec quelqu'un. Mimiryu ou je sais pas quoi. Oui, Mimiryodo. Mimiryodo. C'est lui qui écrit. C'est son co. C'est son co. En fait, ils écrivent tous les deux. Okay. Je crois que c'est lui qui a écrit une bonne partie de l'épisode de la saison 2 de ELTE. Donc, et la Terre éclata. C'est bien. C'est vachement bien ça. On vous mettra le lien. Et puis, on va dire à François TJP et à Mimiryodo. Je l'ai bien dit. Oui, tu l'as bien dit. Qui nous en écrivent un. Ouais, nous deux, un autre truc. Ouais. Mais un truc bien barré. Ah bah oui. À la bonne franquette. Oui, tu as marre. Les mecs bourrés, c'est complètement... Oui, on veut un truc où on est bourré, s'il vous plaît. Et très con. Très très con. Voilà. Parce avec que moi, la bonne franquette, évidemment. Et le pâté, l'oreillette. Général pâté, c'est moi. Et ils vont nous installe-toi dire, sur le divan. Ils vont nous prendre pour des tarés, mais complets. Mais je crois que peut-être qu'on peut le faire sans eux et on leur envoie nos voix. Démerdez-vous, mettez du son, mettez des effets, je sais pas quoi, mais nous on vous a fait le, truc. C'est marrant parce que j'ai toujours dit à Jay, le premier truc MP3 que je vais faire, ça sera avec Jay, mais en fait non, ça va pas être avec Jay, c'est un truc plus barré que ça. Ah putain, c'est pas vrai. Ah mais moi je suis toujours partante pour faire des conneries comme ça, ça me va bien ça. On peut me proposer, je dis oui. On va peut-être, par contre il va falloir conclure parce que moi j'en peux plus là. Attends, on dévie à chaque fois, c'est pas de ma faute. Bah mais non, mais c'est clair, mais c'est allez. Incroyable. Puis on était tout près du but. Oui, allez, on recommence. Allez, y arrive. On recommence. Je vais te dire bonne nuit. Voilà. Ah oui, je vais peut-être arrêter l'enregistrement du coup. Moi aussi.